Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien F. Gartin nous aidera à explorer l'actualité dans son bulletin Gartin. Et Gabriel Béhoud nous fera exploser de rire avec sa chronique d'improvisation dans les coulisses de la huître. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Rocky, en ce mercredi 2 novembre 2016. On est à 176 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, on te délaisse ce matin en ayant des discussions de geek, Sébastien Curtin et moi. C'est bien correct. À la fin de la conversation, justement, l'intro, on a fait « Salut, Tania! » Oui! Ça va? Ça va bien, ça va bien. Soirée d'hier, absolument perturbante. Ah oui? Ça n'arrêtait pas d'exploser dans le ciel. Je sais, c'était débile, hein, un petit peu, côté tonnerre, là. C'était pire que le Grand Prix, avec les ouais. Artifices. Oui, tout à fait d'accord. Les lumières flashaient chez nous. Ouais. Bref, aujourd'hui à l'émission, on a Gabriel Béhoud à 8h30 pour sa chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match qui avait lieu entre les Verts et les Rouges lundi soir. On va aussi parler des autres matchs qui s'en viennent pour le mois de novembre et de décembre. Ça n'arrête plus d'ici les fêtes. On a aussi des invités spéciaux à 9h pour parler de l'expo-vente. Ça s'en vient tout à l'heure. On a ta collègue à toi, Talia is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vais vous parler de certaines femmes, que ce soit canadiennes, américaines ou un petit peu partout dans le monde. Vous allez bien comprendre tout à l'heure. Les femmes! Mais on débute l'émission avec Sébastien F. Gartin. Et son bulletin Gartin, salut Sébastien. Bonjour. Yeah, t'es prêt? Oui. Ouvre-moi ça. Certain, es-tu Gartin? Ça va pas être une autre. Je suis désarçonné par ce commentaire-là. Ouais, c'est proche un peu. Donc, Sébastien Gartin qui est là chaque semaine pour parler d'actualité, pour parler de plein de choses qui se passent dans le monde, approfondir un sujet précis, habituellement. Ouais. Mm-hmm, d'accord. Aujourd'hui, en fait, je me suis fait une banque de sujets parce que, on a eu des dernières semaines un peu bizarres comme en termes d'actualité. On a eu des sujets qui ont été très accaparants. Je parle entre autres de la question des agressions sexuelles. Mm-hmm. Fait que je vais reparler de ça ce matin. Non, c'est pas vrai. parce qu'on va se le dire, on en a parlé pas mal. C'est pas un sujet le fun. Là, il fait noir à matin encore. Ouais, c'est dark. Quand je suis sorti de chez nous, il faisait littéralement complètement noir. Le temps de me rendre, il commence à faire un petit peu clair. Il reste moins d'une semaine. Le désavantage d'avoir une grande fenêtre dans le studio, c'est que là, on regarde ça et on est comme, mon Dieu. Et de ne pas avoir de rideau depuis 2 ans. Effectivement. Ouais. En même temps, quand il fait beau, c'est le fun. Oui, c'est ça. Mais quand il fait noir comme ça le matin, c'est comme on dirait que. Ouais, on peut-tu faire l'émission de demi-heure plus tard? Quand il neige, c'est encore pire. Quand il neige, je trouve ça le fun, moi. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est endormant. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépend pour qui. Moi, j'aime ça en neige. Fait que. Ouais. Tu sais, comme les 3 premières de l'année, là, au mois de décembre, ça, quand oui, c'est oui. Cute, là, après ça, c'est une autre affaire. Les neiges vues de l'intérieur, ouais. C'est parfait. Fait que hier, j'ai déjà scrappé 2 minutes. Bon, non, c'est pas pire. ouais, c'est ça. D'ailleurs, je tiens à dire, Mathieu, que tu me fais vraiment passer pour le gars plate aujourd'hui. C'est que. Ben là, Sébastien Gartin va parler d'actualité, puis Gabriel Béhoud va nous faire rire! Hey, c'est pour faire le contraste entre les deux. T'es jamais d'accord. Content de ton intro. Effectivement, mais c'est un peu ma règle de commerce à cette heure depuis les 3 ans que je viens assembler. Ouais, c'est de scraper les intros. Il n'a pas eu un coup de vieux. Ouais, mais, imagine-moi. Hein? Parlant de coup de vieux, ouais, c'est vrai, désolé. Parlant de coup de vieux, en fait, le gros sujet que je voulais aborder ce matin, on en a parlé lundi à mon émission La sortie de secours est à votre gauche, lundi 11h. Hashtag lundi 11h. Hashtag lundi 11h avec Lucas Hubert. En fait, c'est plus Lucas qui en a parlé, mon co-animateur. En fait, il y a eu une grosse nouvelle à propos du fait que le SPVM, dans le fond, le service de police de Montréal, aurait, pendant une certaine longue période, en fait, espionné Patrick Lagacé. Oui. Avec le Patrick Lagacé, journaliste chroniqueur à la presse. Je pense qu'il est plus chroniqueur que journaliste. Ouais. Mais en fait, c'est que... à cette heure, la nuance est un peu spéciale. Il fait parce de la recherche. De plus en plus. C'est ça, il fait de la recherche. Je pense que ça reste un chroniqueur. Beaucoup de chroniqueurs. Ouais, techniquement. Je suis pas l'éthique journalistique, je pense pas qu'ils suivent ça bien. En fait, on va faire une parenthèse d'éthique journalistique live, là. C'est que, bon, dans le cadre de mon ancien job d'éditorialiste pour le Zone Campus, on est allé avec l'ancienne rédactrice en chef, Myriam. On la salue. Allô? Myriam. Bon matin! Bon matin! Elle doit être déjà d'ailleurs en train de travailler. Oui, exactement, comme je pensais. Elle est à Shawinigan. Shawinigan. Ouais. Donc, on la salue, on la lit dans l'hebdo de la de Saint-Maurice. L'écho de la... L'écho de Saint-Maurice. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je fais dur, mon enfant. Bref, c'est ça, on est allé suivre des conférences à l'Université de Montréal sur les médias étudiants, puis il y avait des vrais professeurs de journalistes qui ont carrément donné un cours cette journée-là. Puis nous autres, c'était le fun parce que, ben, un programme en journalisme, on n'a pas ça à l'UQTR. Ce qu'on a de plus proche, c'est comme social, puis on s'entend, c'est pas tout le programme qui a accès là-dessus. Ils ont que cours de journalisme, mais c'est tout. Donc, déplorons ce fait en gang et venons-en à ce que je voulais dire. C'est que, en fait, le prof, d'ailleurs, je ne me rappelle plus du tout de son nom, mais c'était un prof relativement connu dans le domaine, qui disait, en fait, un chroniqueur, c'est une sorte de journaliste. Mm-hmm. En fait, n'importe qui travaille pour un journal, en théorie, est un journaliste. Qu'est-ce qui fait un bon journaliste? C'est quelqu'un qui recherche, qui se base sur des faits. Dans le fond, quand on fait un article journalistique, on fait juste énoncer les faits pertinents. On les suppose. Organisés de manière agréable à lire. Oui. Un chroniqueur va faire une coche de plus. Le chroniqueur va donner une interprétation de ces faits-là. Donc, en principe, un bon chroniqueur est avant tout un bon journaliste. Et ensuite, met en relief certains faits, prend un angle un peu plus prononcé, on va dire, parce qu'on prend toujours un angle quand on écrit un article, mais il va prendre un angle plus prononcé. Donc, quand on dit que Patrick Lagacé est un journaliste, c'est aussi un chroniqueur, c'est aussi un journaliste. Mais donc, ça, c'est ce avant qu'il devrait faire, parce que les chroniqueurs, c'est ce qu'ils font. Ça qu'ils font. Effectivement. Ouais. C'est là que j'en viens à dire que moi, je trouve que Patrick Lagacé est un des bons chroniqueurs qu'on a au Québec, parce que c'est avant tout un journaliste. Ouais. Bref, parce que, puis pourquoi est-ce que c'est important toutes ces distinctions-là? C'est que la raison pour laquelle on parle de lui, c'est en fait justement le fait qu'il fait des enquêtes, Patrick Lagacé, avant de faire ses chroniques. Donc, en faisant, qui dit faire une enquête journalistique dit source journalistique, et qui dit source journalistique dit neutralité journalistique. Ouais. Qu'est-ce que la neutralité journalistique, me direz-vous? C'est que le journaliste doit être en théorie apolitique, premièrement, donc ne pas prendre un parti politique. Là, en public, on parle, parce que public, dans ta vie personnelle, c'est quasiment impossible de ne pas avoir un parti. T'as le droit de voter, t'as le droit d'avoir une opinion, c'est mal vu si t'as une carte. Fait que là, je viens d'annoncer le fait que je suis un mauvais journaliste, je m'assume. Oui, parce que t'as une opinion faite. Ouais, en tant ça. Que chroniqueur j'ai à la radio. J'ai pris des cartes de parti par le passé, j'en possède une présentement. Est-ce que tu te considères comme journaliste en tant qu'animateur de ta propre émission et chroniqueur à Assemblagerie? Ben, moi-même, en principe, je me dis que je devrais être meilleur que ça. Mes cartes de parti que j'ai pris par le passé, c'était pour des raisons spécifiques. Puis là, ben là, c'est un peu personnel, tout ça. Mais je le dénonce souvent en onde quand ça tombe sur le sujet que j'ai une carte. J'ai pris ma carte du PQ, entre autres, pour pouvoir voter pour la course à la chefferie actuelle. Ouais. Pour un paquet de raisons. Principalement parce que je voulais pas voir Lisée. On a vu le grand bien que ça m'a fait. C'est ça. Mais parce qu'en tant que tel, c'est fou, contrairement à d'autres grands médias, on est régi par quelqu'un qui check absolument pas. Là, en tant que tel, on peut faire pas mal n'importe quoi, on traîne une radio, on cherche pas pas mal, mais en tant que tel, toi, tu te considères comme journaliste, donc tu essaies de bien faire ta job. Ben, c'est ça. Je me dis, moi, c'est une affaire que, bon, je dors bien avec, entre autres, par le fait que présentement, la job de journaliste que je fais, je suis pas rémunéré pour l'affaire. C'est ça. T'sais. Fait que je me dis, bon. Pas de compte à rendre, ben. C'est ben. Ça. Pas de compte à rendre, ben, ben. Mais si on commence rigueur. À me faire. La rigueur personnelle, là-dessus, j'ai un problème. C'est pour ça que je le dénonce à toutes les fois que je considère que c'est pertinent sur le sujet. Fait que, vu que j'ai dénoncé souvent, je considère que même les fois qui pourraient être dans mon angle mort, je le considère pas pertinent. Mais qu'en fait, ça le serait, ben, je considère que ça l'a été dit à cette fois. Fait que, bon, je me dis, je me garde cette petite gêne-là. Fait que, bon, c'est ça. Mais si j'étais complètement cohérent avec mes principes, effectivement, je prendrais juste pas de carte de parti le temps que je suis assez fou. Ouais. Bon, bref. Parenthèse dans une parenthèse. Cela étant dit. Ceci étant dit. Ceci étant dit. Pourquoi... Bon, c'est ça. Patrick Lagacé, dans le fond, quand on parle de neutralité journalistique, une chose qui rentre là-dedans aussi, c'est la protection de ses sources. Ouais. quand on parle de protection des sources. Veux pas, une partie de la job de journaliste, c'est de se faire, dans le jargon, on va appeler ça du tipping. Mm-hmm. Dans le fond, il s'est fait donner une petite... Des tuyaux. Des tuyaux. C'est ça, c'est des tuyaux, le mot en français. Il s'est fait donner des tuyaux par certaines personnes qui... Des petits tuyaux, oui. Et c'est que ces personnes-là, en fait, c'est souvent des gens qui sont haut placés dans une organisation si se passe quelque chose de louche. Ben, quand je dis une organisation, souvent, ça peut être des trucs comme le SPVM. Oui. C'est ça, M. Lagacé, comme n'importe quel journaliste, reçoit des tuyaux. Et une fois qu'il publie des choses à propos des tuyaux qu'il a reçus, en ayant fait effectivement une recherche pour contre-vérifier, pour vérifier et contre... C'est quoi dans le mot que je cherche? En tout cas, pour être sûr de sa shot, qu'il s'est pas juste fait dire n'importe quoi, ben, il publie. Ouais. Et en publiant, là, ça fait réveiller. Puis là, Lucas avait passé beaucoup de temps lundi à expliquer ça. Beaucoup des grands scandales qu'on a eu au Québec dans les dernières années, c'est en fait des articles journalistiques qu'ils ont fait sortir. On pense entre autres, quand il y a eu la commission, Damien, j'ai encore oublié son nom, la commission sur la collusion en construction. Charbonneau, c'est ça. Charbonneau, oui. C'est ça. Charbonneau, le feuilleton juridique des dernières années. Oui, exactement. donc, la commission Charbonneau, ce qui s'est passé avec ça, la raison pourquoi est-ce que ça a été commencé, en fait, ça a été un article, entre autres, pas un article, ça a été un reportage de Enjeu à Radio-Canada qui a mis au jour certaines choses et ça a poussé dans le derrière du milieu politique de faire quelque chose par rapport à ça. Mais la plupart du temps, c'est les journaux, on l'oublie de nos jours parce que, bon, les gens ne lisent plus les journaux, etc., etc., mais ça reste que c'est majoritairement les journaux qui sortent les nouvelles en premier. Même de nos jours, et la télé est très secondaire à ça, et la radio presque jamais, en fait, la radio ne fait que répéter ce qu'il voit dans les autres médias. Mais en fait, la radio, puis de nos jours, c'est rendu ça, la radio, les radios parlées, c'est rendu purement du commentaire. Exact. Il n'y a aucune recherche qui se fait, je vois pas d'exemple qui, je veux dire, en Radio fait, Canada, nous autres, assez fous, on est les plus proches. Mmh. Même Radio-Canada, en fait, ils vont parler des sujets qui ont été parlés à la TV de Radio-Canada, mais ceux qui font vraiment la grosse recherche, qui font les enquêtes, ça va être beaucoup plus la TV de Radio-Canada. C'est que Radio-Canada, en général, je pense que leurs journalistes travaillent pour l'ensemble de Radio-Canada au complet. Là. Je pense pas qu'il y ait des gens qui sont attirés à la radio. En fait, on confirme que non, il y a vraiment des recherchistes beaucoup plus attirés à la TV qu'à la radio. Okay. C'est vraiment deux milieux distincts. Okay. Bon, ça va. Souvent comme ça. À la radio, les gens vont plutôt faire leur recherche par eux-mêmes plus que d'avoir un recherchiste comme à la télévision, par exemple. Même si générique des fins d'émission de Radio-Canada à la radio, comprend 72 personnes. Ils ont quand même des recherchistes à Radio-Canada, en fait, parce que, bon, c'est Radio-Canada, ils ont quand même certains standards. Ouais. Mais, tu sais, la différence, c'est qu'ils n'auront pas une armée de recherchistes par émission. Ils vont en avoir un ou deux. Puis c'est ça. Souvent, ça va justement beaucoup plus être... Le job de recherchiste, ça va être vraiment de trouver, bon... C'est quoi les sujets chauds, mettons? Puis quelle angle on va prendre pour ça? Puis c'est des choses comme ça. Le booking, trouver les invités, j'imagine. C'est ça, aussi beaucoup, en fait. Ce qui sera à TV, ils vont beaucoup plus. Ben, il va y avoir des recherchistes qui vont faire ce job-là aussi, mais il va y avoir aussi carrément une job d'enquête qui va être faite, qui est plus journalistique. Parce que c'est là qu'on met les gros budgets, en fait. Je pense que c'est pour ça la raison. C'est pas que la radio est de manière inhérente un médium moins. Moins enquêteurs, c'est juste que ça donne que les budgets sont déjà plus gros à TV à cause de la production, un paquet de choses. Ouais. Là, c'est ma théorie. Je sais pas pourquoi exactement c'est comme ça, c'est un truc qu'on constate. On fait des études de marché, au moins que ça valait plus la peine pour eux. Ben, c'est ça, puis c'est que l'enveloppe est déjà plus grosse à TV, fait que t'as plus le moyen d'engager du monde, puis ainsi de suite. Bref, on est rendu relativement loin du sujet d'origine. Dans le fond, c'est ça, on parlait de Patrick Lagacé qui s'est fait suivre par le SPVM. C'est ça l'idée, c'est que historiquement, il n'y a aucun journaliste qui accepte de dévoiler ses sources. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que Patrick Lagacé a écrit sur le SPVM, sur certaines choses croches qui se faisaient à l'intérieur du SPVM. Le SPVM, c'est le service de police de la ville de Montréal. Dans les hauts placés, d'ailleurs, apparemment. Donc, Patrick Lagacé a eu des sources anonymes sur des choses croches qui sont passées. Ça l'a mené à certaines enquêtes internes. On sait d'ailleurs, bon, c'est une chose, plus ça pourrait être une discussion d'un tout autre débat. Le SPVM n'est pas très bon pour les enquêtes internes. En fait, les policiers qui font des trucs qui poussent beaucoup s'en tapent généralement avec des petites tapes sur les doigts, c'est fini là. Je suis pas en train de dire ça de toutes les polices au Québec. Je dis juste qu'au SPVM, malheureusement, ils sont souvent retrouvés dans l'actualité pour des choses comme ça. pour différentes raisons sur lesquelles je n'élaborerai pas, parce que là encore, on peut faire tout un autre chronique là-dessus. Mais c'est ça. Donc, je tenais juste à modérer mes propos, parce que ça me fait pas tout le temps triper non plus quand certaines personnes se mettent à dire comment les politiques. Tu sais, all cops are bastards. Ouais, La misère avec ça. Ouais. Mais c'est ça. Donc, Patrick Lagacé a beaucoup enquêté sur le SPVM. Il y avait des sources supposément à l'interne qui ont donné des tuyaux. Prends pas ce mot-là. J'aime vraiment pas ce mot-là, mais bon. Des conseils, tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil dans ce document-là, mettons. Ouais. Ça pourrait peut-être des indices, des choses comme ça. Et bon, c'est ça. Donc, comme n'importe quel journaliste, Patrick Lagacé a refusé de dévoiler ses sources quand enquête il y a eu. Mm-hmm. Ce qui a mené à ce qu'un juge quelconque, en quelque part, décide de donner le feu vert à certains enquêteurs du SPVM d'accéder à la position GPS du iPhone de Patrick Lagacé. Wow. Bon, on s'entend, n'importe quel journaliste d'enquête qui se respecte va avoir un burner qui va utiliser pour... Le téléphone que t'achètes, il est jetable. Au cas où. Ouais. Mais ça reste qu'il y avait quand même son iPhone sur lui, parce que là, c'est ça ce qu'on parle de surveillance. Bon, il y a une genre de surveillance de type savoir qui t'a appelé, dans le fond, accéder au registre de si ta compagnie de téléphone, compagnie, ouais, les numéros de téléphone à qui t'as eu lieu. La coche au-dessus, c'est d'avoir accès au nom relié au numéro de téléphone que t'as... Bon. Et là, c'est une coche de plus, c'est qu'en plus de faire ça, ils ont activé son localisateur dans le fond. Puis là, ça a été dit dans le fond, ouais, c'est son GPS de téléphone. Tu dis, ouais, mais il y a juste à pas avoir un iPhone. Ouais, mais en fait, c'est que n'importe quel téléphone cellulaire, la puce LTE peut servir de GPS. Ouais. Ben, je dis la puce LTE, la carte SIM en fait. La carte SIM qui se trouve être la petite carte qu'on met dans le téléphone pour que vous ayez un numéro de téléphone. Ouais. Et là, on parle de son téléphone personnel. Son téléphone personnel, effectivement, qu'il utilise dans le cadre de sa job. Ouais, si, on s'entend. Exact, tout le monde fait ça. Je veux dire, un téléphone intelligent, c'est une trousse d'outils. Ouais. Fait que c'est sûr que pour un paquet de choses, c'est très utile. Mais à base, c'est ça, ils ont quand même suivi son téléphone qui je veux dire, le soir, ils le ramènent chez eux, puis c'est son téléphone sur lequel ses enfants lui textent pour aller les chercher à l'école. Là, ils se commandent du pizza dessus. Là, c'est ça, tu sais. Fait que c'est son téléphone personnel. Puis de toute façon, déjà là, accéder au téléphone de quelqu'un, c'est déjà quelque chose de grave. Il faut qu'il y ait une bonne raison de le faire, surtout à l'insu de la personne, évidemment. Mais dans le cas d'un journaliste, c'est encore plus grave. Et dans le cas d'un journaliste, quand c'est pour le forcer à brûler des sources malgré lui, c'est encore plus grave. Si c'est pas une enquête pour un meurtre ou quelque chose comme ça, pour essayer de trouver des indices sur ça, c'est vraiment... Mais c'est ça l'affaire, c'est que présentement, on sait pas c'est dans quel cadre de quelle enquête. Mm-hmm. Mais c'est que ça a été très, très, très, très général, en fait. C'est ça l'affaire. C'est que ça a été pendant des longues périodes... qui ont été plus ou moins spécifiés. Puis là, d'ailleurs, il a sorti en même temps, quelques heures après, en fait, au courant de l'émission quand on la faisait, c'est ça qui est drôle. Lundi matin. Lundi matin, 11h. Ah. Ça sortit côté à votre gauche. Deux fois aujourd'hui. Rediffusion samedi. Rediffusion samedi et jeudi. Oh, oui, oh. Jeudi soir à 4h. C'est vrai. Juste avant... On ferait plug à la fin. Ouais. Ouais. C'est ça. Bon, bonne idée. Donc, c'est ça. Il y a eu une sortie aussi, en fait, comme quoi est-ce que, ouais, finalement, ça c'est drôle parce que sur le Twitter du SPVM, ils disent il y a seulement M. Lagacé dont on a suivi le téléphone. Est-ce que c'est mieux de dire ça? C'est comme. 4 minutes. Mais ce qui est drôle, c'est que 4 minutes après, ils disent ouais, en fait, on a suivi d'autres journalistes aussi. Mais ils n'ont pas dit qui. Non, ils n'ont pas dit qui. Okay, il y en a une qui a passé à la télévision hier, si je me souviens bien, mais je me souviens plus trop de son nom. Je pense que c'est à LCN ou à Radio-Canada, justement. Ah ouais. C'est une journaliste femme. Hmm. OK. Parce que ça devait être de plus qu'un média aussi, d'ailleurs. Oui. Évidemment. Bon, c'est ça. Donc là, pourquoi est-ce que c'est si inquiétant que ça? Parce que là, j'ai mis de l'emphase sur le fait que c'est grave et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, beaucoup des cas comme la commission Charbonneau, entre autres, des choses comme ça, ont été débutés pas parce qu'un politicien s'est donné la charge de vérifier absolument tout ce qui se passe dans tel domaine. Non. Premièrement, ben, ça serait en quelque part peut-être leur job, mais ils n'ont pas le temps de faire ça, on va se le dire. C'est la job des médias. Et pour pouvoir faire ce job-là, ben, les médias doivent avoir des tuyaux, comme on dit. Et ces tuyaux-là, Si la personne qui donne le tuyau a des chances de perdre sa job et de se faire contre-poursuivre, dans le fond, se faire poursuivre en retour, on s'entend-tu que la personne va sauver son derrière à la place de parler? Ce qui fait que si on se met à dévoiler les sources, ben en fait, on peut dire adieu à notre, classe journalistique. On peut faire, on peut dire adieu aux enquêtes et on devient effectivement une république de bananes. Non, mais c'est, je veux dire, le mot est drôle, mais c'est ça quand même. Ouais. On devient, en fait, on n'a plus le contre-pouvoir qu'est les médias et les gens en position d'autorité dans différents domaines importants de notre société, notamment les gros corps de police, mais aussi tout ce qui est politique, tout ce qui est bagage. Je donne l'exemple de la commission Charbonneau. C'était à propos de la construction, mais on s'entend-tu qu'une société où il n'y a pas de construction qui se fait ou qu'en fait toute la construction est corrompue de bord en bord? Ça vire pas haut. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on devient effectivement une république de bananes. On devient des espèces de serfs pour certaines personnes en situation d'autorité, mettons. Parce qu'ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est ça, l'idée. Donc, voici pourquoi c'est important. Voilà. Vas-y. Je pensais que je n'aurais plus long à dire, mais voilà. C'est clair. C'est un principe de base. Et si on vient à l'encontre des principes de base, ben à un moment donné, le journalisme va être une vraie joke. Effectivement. Une vraie joke. Voilà. Parlant de vraie joke, plusieurs sujets. Ouais, c'est une fois, c'était un gars. J'ai dit que j'avais préparé plusieurs sujets, puis j'ai modérément suivi ça. J'ai vu ça vite ce matin, mais en fait. On parlait de culture du viol depuis deux semaines. Ouais. On parlait de indirectement, veux pas, on parle de féminisme. Mm-hmm. Puis moi personnellement, les gars-là, je suis pas un grand fan de ça. J'ai pas écouté la disque. Mais... Attends, d'après moi, on va parler de Safia Nolin. Oh que oui. C'est qui ça? Oui, oui, oui. Bon, Safia Nolin, c'est une chanteuse qui ne rentre pas dans le moule de la petite chanteuse toute cute qui grande comme mon petit doigt, on va le dire là. Qui met des belles petites robes puis qui fait de la belle petite pop cute puis tout le et trash. Bon. C'est ça, est trash. Ouais. Elle est tomboy un peu. Ouais. Elle est pas maigre. On va se le dire, elle a une grosse repousse. Porte un chandail de Jerry Boulet quand elle va dans un gala. Ouais. Ouais. Et apparemment ça fait d'elle une honte à la musique et en gros, ce qui est arrivé, c'est que... Puis là encore, j'ai même pas dignifié ces articles-là de ma lecture. C'est, dans le fond, Lise Ravary, Denise Bombardier, puis un autre dont le nom m'échappe, des pseudo-intellectuels, à mon avis, pseudo-féministes, qui sont allés dire que Madame Nolin déshonorait le gala, le terme de gala et la musique québécoise dans son entier. On a-tu des controverses de merde au Québec? Ouais. En s'étant présenté à la disque en jeans et en t-shirt. Comme Dan Briga faisait des années 90. Hein? Comme tout le monde fait des années 90. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire la réponse de Safia Nolin. C'est ça qui m'en est rendu compte. C'est ça qui a popé dans mon fil d'actualité. Dans l'Urbania. Et qui m'a fait très rire. Honnêtement, je la connaissais pas tellement. Son genre de musique, c'est pas le genre que je trippe, même si j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. Ah, c'est fou non plus, en fait, on en joue pas vraiment. On en a fait jouer pendant l'été un petit peu. Mais... je sais qu'il était aux soirées cachées, peut-être un ou deux ou trois, en tout cas, mais. Je pense que ça fait un an, en fait, parce que le poster était là depuis pas longtemps. Les posters sont tous restés là depuis tout. Ouais. Pas grave, ça fait de la décoration. C'est ça, on n'a pas personne pour le ménage. C'est ça. Sa réponse, en gros, c'était de dire... en fait, elle a cité, premièrement, sa réponse a été en plusieurs parties. Premièrement, elle a cité justement un paquet. Elle a donné l'exemple de, justement, Jerry Boulet, qui, dans les années 80, se pointait à la disque, en jeans et en t-shirt. Ouais. Et ça n'a jamais insulté personne. En frappant de la vie, un grand coup d'amour. Ouais, exactement. Elle disait, Jean Leloup, quand il y avait une calotte à la disque, il y a personne qui l'a engueulé pour ça. Il y a personne qui a dit qu'il y avait pas de classe à cause de ça. Les cowboys fringants, je pense, ont fait la même chose. En même temps, je me demande si. On en parlait hier en ronde, tu sais, que l'argument de ouais, mais personne n'a rien dit par rapport au gars, on l'a tout pensé pareil. Là. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est tout le temps. C'est net autant. C'est juste que c'est pas négatif, il me semble que c'est lettre, mais ça change rien. Cette année, les cow-boys fringants étaient tous en veston cravate. Ouais. C'est comme une mode que chaque nouveau artiste veulent faire au début de leur carrière, d'être marginaux, d'arriver quelque part de façon habillée comme si c'était ouais. dans ton salon. Tu sais, ils le font tous. Mais après une couple d'années, check Jean Leloup, il était pas mal habillé, il avait juste les cheveux sales, c'est dégueulasse. Les cowboys fringants. C'est ça, exactement. Les cowboys fringants, ils étaient tous très bien habillés aussi. Puis il y avait la reconnaissance d'être rendu là. Ouais. Est-ce que dans une couple d'années, elle va s'habiller en veston? Moi, je on y a pas demandé de mettre une robe comme Céline avait. Là. Ouais. T'sais, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai jamais dit qu'elle faisait de la mauvaise musique parce qu'elle était habillée de même. J'ai juste dit elle fait de la mauvaise musique et elle est habillée de même. Non, elle est habillée de même. C'est ça. Moi, j'ai une réponse plate à te faire, mais je te dirais, dans le fond, les cowboys fringants sont mis à bien s'habiller le jour qu'ils sont devenus des sell-out et qu'ils sont mis à faire toute la même chose. Ouais, corporate! Exactement, mais c'est souvent ça qui va arriver. C'est que les artistes vont comprendre qu'à un certain point, t'as comme pas le choix de te fondre dans le moule pour justement pouvoir vivre de ça. Ouais. Surtout au Québec, ici, c'est beaucoup plus difficile, mettons, de faire de l'alternatif ou de faire, par exemple, du indie pendant des années, comparé aux États-Unis où que t'as justement un plus grand bassin de gens qui vont t'écouter. Mm. Mais les gens, tu sais, les artistes le comprennent, ça, puis après une couple d'années, ça change. Qu'est-ce qu'on va voir Safia Nolin arriver différemment à un gala? Donnez-y une couple d'années, peut-être. Ben, effectivement, c'est sûr que ça finit par arriver en grande robe de gala, ça va faire. Là, ça va clasher. Tu sais, mettons, l'année prochaine, là, ça va être fille, ouais. là, pour. Exact. Mais moi, ce que j'ai trouvé plate aussi, c'est que elle s'est faite, c'est pas juste sur son habillement, ils l'ont, ils l'ont, en fait, ils ont parlé de son hygiène, ils ont parlé de, tu sais, du fait qu'elle est quand même ronde, Safia Nolin. Ouais. Il y a entre autres de ça qui disait quelle honte elle a, elle encourage la malbouffe et le. Hein? Non. Elle a rien dit, ouais, non, c'est ça, c'est un mauvais exemple, tout ça, c'est comme, hey, combien d'artistes hommes sont. Ben, je veux dire, on parle des cowboys fringants. Comment. Carl quelque chose, là, le chanteur, là. Oui, entends-tu oui. qu'il y a une popée d'Éden? Ouais, ouais, on s'entend, là. Je veux dire, le nombre de musiciens, puis là, je fais très exprès de le mettre au masculin, qui n'ont pas une bonne hygiène de vie. Je veux dire, c'est le cliché du musicien oui, de exactement. Boire trop d'alcool, manger de la cochonnerie après les shows, d'avoir un rythme de vie de merde, parce que c'est ça être musicien à quelque part, je veux pas y vivre de nuit. Là. Mais là, c'est ça, ils l'ont écœuré sur son poids, sur sa repousse de cheveux, qui, soit dit en passant, c'était à la mode. Là. Ouais, hombre! Ben, en tout cas, de ce que j'ai compris. tu sais. Mais c'est con, parce qu'on vient juste, il y a quelques mois à peine, de parler de liberté d'expression dans un autre gala, puis de porter un gros X sur leur bouche. Puis là, soudainement, c'est le contraire, puis on n'a pas le droit d'être libre de s'habiller mal, puis parler comme une bûcheronne. Ouais. Pouce, mais pouce égal. C'est ça. Puis là, mettons, Denise Bombardier. Puis là, j'ai vraiment pas fait la revue de presse de ces affaires-là. Denise Bombardier, je pense pas qu'elle était une fan. En fait, d'après moi, ça doit être le genre à toutes les fois qu'elle entend parler du fait qu'il y a un gala pour l'humour, ça doit être le genre à. Ouais. Ouais, sûrement. C'est pas de l'art. Mais, tu sais, les autres, Lise Ravary, entre autres, je serais très surpris qu'elle ait été contre la gang de la liberté d'expression, puis tout. La liberté d'expression, c'est aussi de s'habiller comme on veut, d'un truc comme ça. Puis oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Tania. Moi aussi, des fois, je suis un fan du décorum, mais je me dis, bon, c'est des artistes aussi à m'amener. Non, je pense que ça fait partie de la game qu'ils fassent des affaires flyées. Je veux dire, moi, quand je vais à mon party de Noël de job, je vais mettre une chemise chic. Là. Mais c'est ça. C'est pas le Dans ce domaine-là, ça surprend pas. Ce qui clash, c'est que tout le monde autour est habillé de façon, justement, soir de gala. Prétentieuse. Là, elle a gagné. Puis elle est habillée comme ça, tu sais. Ouais. C'est juste ça qui a fait en sorte que tout le monde a fait comme le saut, comme « Wow, comment qu'elle est habillée? » Tu sais, il n'y a pas... En tout cas, ceux qui ont décidé de dire que c'était une mauvaise chanteuse puis c'était une mauvaise artiste à cause de ça, c'est eux les pires. Les gens cherchent rien que des subjections. Il y a une chose aussi, puis moi, je la connaissais pas tant que ça. Je dis, je la connaissais non, j'avais entendu quelques extraits, puis effectivement, c'est le genre des indies que je suis pas un grand fan. Fait que j'ai pas poussé plus que ça, je la connais pas plus que ça. Mais de ce qui semblait ressortir dans sa réponse dans l'Urbania, c'est que justement, elle-même se fait un devoir. Son cheval de bataille, mettons, elle, c'est l'authenticité, justement. Mm-hmm. Parce qu'elle dit, elle s'est fait intimider toute sa vie, entre autres sur son poids. Puis qu'elle dit, ben en fait, elle, ce qu'elle a l'impression, c'est qu'elle sent revenir dans une cour d'école avec une affaire comme ça, parce que de la façon que la réplique a été, que les critiques ont été faites, elle le perçoit comme une forme d'intimidation. Puis là, j'ai eu ça, ce mot-là, parce qu'on se le faisait dire tout le temps à certaines occasions. Que... Mais bref, pour revenir encore sur 2012. Mais fallait aussi qu'elle s'attende à ce qu'elle soit jugée, là. Tu sais, si elle s'attendait à ce qu'elle aille au gala de la disque, habillée en jeans, t-shirt, bas de laine, quand tout le monde est habillé autrement. Je suis en train de dire qu'elle a couru après, ça vient au viol, ça. Non, non, non. Je suis pas en train de dire qu'elle a couru après. Je suis en train de dire qu'elle a décidé de faire un métier dans lequel t'es toujours critiqué. Et ça, ça veut dire qu'elle a pas couru. Ouais, c'est sûr. Mais il y a quand même. C'était un beau geste pour la caméra. Ouais, je sais. Oui. Mais. Non, je suis en train de dire qu'il fallait qu'elle s'attende à ce que quelqu'un dise quelque chose. Ouais, mais il y a une chance. Tu fais un travail où t'es justement tout le temps critiqué, que ce soit sur ta musique, que ce soit sa pochette de ton album. Si tu gagnes, c'est sûr que demain matin, dans le journal, tu vas avoir ta photo. Ben oui, mais c'est ça. Ben, c'est clair que dans les magazines, c'est la galerie des photos du gala de la disque tout le temps. Puis, tu portes qui au gala du tapis rouge? Je sais pas si on fait ça au Québec, des tapis rouges. Ça? Oui. Ouais. Herbie Moreau, c'est sa carrière. Oui, c'est ça. Et boy, ça dit tout. Puis là, Astor, MC Gilles. MC Gilles. Ouais, MC Gilles. Ça, sérieusement? Non, non, lui, c'est pour niaiser. Ah, OK. Mais tu vois qu'il aime ça. Tu vois, il a un petit sourire de « Oh, j'aime ça. » Je suis avec une vedette. Ouais, je suis avec des vedettes. C'est le fun. Ma carrière n'a jamais décollé. Cheap shot. Mais, moi, il reste pas juste ses racines en continuant à la radio communautaire. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ben, moi, ce que je trouve, c'est que oui, critique, mais il y a quand même une place où ce que la critique devient gratuite maintenant. Ben oui. Je pense que ça dépasse ça. Ouais. C'est réseaux sociaux. Ouais, mais même tu sais dans des chroniques dans le journal de Montréal, il y en a qui ceux de qui on parle, je pense que c'est ça, c'est des critiques qui sont allées pas mal trop loin. Pour en revenir à la base, ils ont pas attaqué juste son art ou ses choix, ils ont attaqué sa personne. Ce qui est pas correct. Reboucler la boucle avec le début de ta chronique, est-ce que tu penses que ces chroniqueurs qui ont fait ça là sont aussi des journalistes? Les Ravary. Ouais. Je vais me taire. C'est ça. Parce que j'ai pas le goût de me faire poursuivre. Mais ben c'est ça. Révèle tes sources. Mettons, poser la question, c'est y répondre, je crois. Ça. LinkedIn. LinkedIn. Ouais. Ben, t'as été étudiant en journalisme. Ouais, c'est ça. Ah, drôle. Ouais. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Hein? Ouais. C'est ça. C'est quelque chose, ça. Merci, Sébastien Gartin. Ben, merci à vous pour l'invitation et la discussion. Absolument. Nebraga, je dirais, on prend rendez-vous mercredi prochain. À 7h30. Ouais, genre. AM, Heure de l'Est. Ouais. Qui sera l'heure régulière. Oh! De c'est vrai. Ouh, c'est vrai. Pour être plus précis. Peut-être faire moins noir. Peut-être, ouais. Ce serait le fun. Bref. Assez parlé de météo. Faisons des plugs parce qu'on sait que t'aimes ça. On te retrouve aussi à la sortie de couette à votre gauche, et lundi matin à 11h. Oui. Ouais, L'émission avec le titre ridiculement trop long. je m'enferge tout le temps au moins deux fois en le disant, en commençant l'émission. Ouais, on aime ça, s'enferger des mots, c'est fou. Donc la sortie de course, c'est à 11h les lundis matins, et ça repasse les jeudis à partir de 15h. Hein? C'est 15h? 15h. Oh. Les jeudis. Les jeudis. Les samedis, par contre, là, c'est à 16h. Ah! T'sais. Bon, va falloir que je révise mon petit texte de fin d'émission. T'as pas mentionné les mauvaises heures à la fin d'émission? Je pense que oui. Pourquoi tu vas pas sa grille horaire qui est sur le cifou.ca? Mais le pire, c'est que je suis sûr que j'étais allé vérifier. Peut-être que je me trompe en disant que je me suis trompé, parce que je me rappelle, justement cette semaine, j'ai pris la peine de le vérifier avant de l'écrire. Faut que tu suives, l'heure est écrite à gauche, puis là tu suis avec ton doigt jusqu'au jeudi, puis ton heure est là. Ouais, c'est pas nécessairement pratique comment c'est fait. Hein. C'est pas nécessairement pratique comment c'est fait. Ouais, l'infographiste, là. C'est marqué 15h, puis t'as le nom de l'émission juste à côté. En tout cas, moi je trouve que l'infographiste de GME, là. Mange! Non. T'es pas fin avec moi. Je te taquine, monsieur. On écœure ceux qu'on aime. Tu me donnes de très mauvais tuyaux. On écœure ceux qu'on aime, Mathieu. Ah, t'as pas d'écouteur, ça. Non. C'est pas bien magique. C'est quoi ça? Il arrête l'eau juste avec sa main, puis il n'y a même pas de camion. C'est le plombier magique. Bon, un beau moment de radio. Ouais. Mathieu nous a comme tourné son écran pour nous montrer le YouTube du plombier magique. Ben oui. Mais les gens aiment ça à la radio sur leur YouTube. Parce que moi, je l'entends. C'est aussi pire que la vidéo, en fait. À cette heure, Tania, tu sais pourquoi je mets pas d'écouteurs quand je viens voir ici? Exactement. Ça s'appelle un gag auditif pour l'auditeur moyen qui aime bien Bruno Blanchet. Ouais, pis c'est pour ça qu'on a été silencieux pendant 15 secondes en... parce qu'on regardait la vidéo. On n'est pas le public cible. C'est pour ça que je dis que c'était un beau moment de radio. Sébastien, Gertin, jamais content. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est magique. C'est le plombier magique. Et il n'y a même pas de camion. Toujours à Assemblage Requis, on se mercredi 2 novembre 2016, et Tania Baudin. Et Mathieu Plombe. Avant de continuer, une petite pièce de Safia Nolin pour le faire changement, genre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'en va entendre la pièce La Laideur. L'original de même. Ben oui. Entends-tu? Check ça. Safia. Vas-y donc. Chante-nous ça. Hey boy. Pas sûr que ça te tente. Parce qu'au fond, Safia Nolin et la laideur à Assemblage requis. Maintenant, c'est Tania qui, elle, va nous faire la joie d'être belle, intéressante et drôle et tout. Hein, les compliments volent de partout. J'ai essayé, j'ai essayé. Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. Ton rhume va pas mal mieux ce matin, ta voix est revenue, on dirait. D'accord. Ouais. Je pense. Ouais. L'auditeur pourra décider de lui-même. Oui, clairement. Ouais. Aujourd'hui, on parle de femmes. Oui, on va parler de femmes, Mathieu, parce que j'ai trouvé quelques différentes femmes, en fait, qui sont un petit peu partout dans le monde, qui se montrent à être des images, je ne veux pas nécessairement dire féministes, je ne veux pas nécessairement dire de pouvoir, mais peut-être de changement et de continuité à ce qui est déjà entamé par plusieurs autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je vais vous présenter quatre demoiselles ou quatre femmes, en fait, qui font soit des métiers vraiment différents ou qui sont tout simplement, justement, comme je disais, féministes et que ça donne quelque chose de merveilleux. Alors, je voulais vous présenter une des jeunes filles qui a un diplôme d'ingénieur, mais qui fait un travail quand même hors de l'ordinaire. C'est un article sur lesaffaires.com que j'ai trouvé assez intéressant, merci. Et on parle d'Anne-Laure Esquirol, une jeune fille de 29 ans qui vient d'ici, qui pourrait parfois se prendre pour un personnage d'une série policière enquêtant sur une scène de crime parce que la jeune fille qui a été diplômée des matériaux en France puis en maîtrise de génie chimique à Polytechnique ici à Montréal se rend aussi sur les lieux pour prélever des indices justement afin d'essayer de comprendre ce qui a pu se produire dans ces fameux crimes-là. Sauf que ces scènes sont plutôt le théâtre de dommages variés liés à des inondations, des incendies ou des contaminations. Donc, c'est, on s'entend, là, c'est pas des meurtres, hein, ou peu importe. C'est plutôt des choses de la vie courante qui se sont produites. Donc, pas toujours des crimes, mais parfois ça peut mener à un crime, comme par exemple un incendie. Donc, pour le reste, il y a des ressemblances. Il peut malheureusement y avoir eu des pertes humaines, des blessés, et tout à coup, il y a des dommages matériels dont il faut trouver l'origine. Donc, c'est pourquoi elle est utilisée. Et je trouve ça quand même assez cool. Son rôle d'ingénieur légiste, qu'on appelle, elle est dans la compagnie CEP Forensique, dont les clients sont essentiellement des experts en sinistre, justement, des assureurs, des avocats. Donc, son travail, c'est de trouver la source qui a déclenché cette fameuse catastrophe-là. Que ce soit une inondation ou que ce soit un incendie, comme je disais. Faut m'excuser, ça peut arriver plusieurs fois dans ma chronique aujourd'hui. Ah, c'est parfait. Donc, elle qui aurait pas voulu d'un emploi statique, elle est plutôt heureuse puisqu'elle met régulièrement des bottes. Elle enfile un bleu de travail, j'imagine que c'est comme un sarrau, et prend sous le bras sa trousse de bricolage pour aller prélever... Au gala de la disque, non? Oui, exactement. Ah. Pour aller prélever des échantillons dans un bassin de décantation sur le toit d'une église, sur la façade d'une école ou dans la cuisine d'un particulier, bien que ses connaissances en génie soient utiles dès l'étape de la recherche d'indices, son travail d'ingénieur commence vraiment par après. Donc, elle va se rendre sur les lieux, on va prendre les indices, tout ça, mais par après, on revient en laboratoire et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à analyser les pièces à conviction. Donc, elle fait des analyses chimiques qui sont extrêmement poussées à l'aide, bien évidemment, d'outils à la fine pointe de la technologie et c'est comme ça qu'on va arriver à certaines conclusions. Elle est comme un peu la Sherlock Holmes du génie. C'est une spécialiste des matériaux plastiques, des polymères, et elle met ses connaissances et ses compétences en génie chimique au service de l'élucidation d'énigmes. Ce qui est quand même assez cool. C'est rare qu'on va voir une fille qui va faire ce métier-là. Ouais. Tu sais, même juste dans les émissions, bien souvent, on va voir des hommes faire ça. Mais de voir des femmes de prendre de plus en plus d'ampleur dans le monde, ce qui aurait été dit homme, c'est très, très cool. On voit pas... Tu sais, c'est... On voit pas énormément d'ingénieurs non plus au féminin, mais on commence à en avoir de plus en plus, et ça, c'est vraiment cool. Elle doit, par exemple, essayer de comprendre comment un morceau de plastique a pu prendre de feu pendant un incendie, ou de trouver quel a pu être le déclencheur de cette fameuse incendie-là. Et parfois, c'est un bouchon de robinet qu'elle va prélever pour savoir si la matière dont est fait était soit défectueuse, ou si quelque chose a pu le dégrader, ou ce qui aurait pu expliquer ensuite justement une fuite d'eau ou tout simplement un bris dans certaines pièces de la maison ou certains endroits de la maison qui auraient pu faire en sorte que c'est devenu un incendie par la suite. Donc récemment, la jeune fille de 29 ans est allée prélever dans une cuve d'une station d'épuration des échantillons du revêtement en époxy qui montraient des signes de mauvaise adhérence pour justement essayer de savoir s'il avait pu être contaminé par une substance X. Et parfois, elle va intervenir à la suite d'accidents. Donc, c'est par exemple, elle s'est rendue pour observer la carcasse d'un hélicoptère écrasé afin justement d'analyser le câble en acier, de déterminer ce qui aurait pu le faire briser. On y va vraiment dans ce qui aurait pu briser. Tu sais, pas savoir si c'est quelque chose de criminel ou quoi que ce soit. Elle y va vraiment pour savoir est-ce que c'est une défectuosité de ce qui est aux alentours. C'est-à-dire, justement, moteur ou câble d'acier, ou si on est dans une maison, est-ce que c'est juste, je sais pas moi, la fournaise qui a mal fonctionné? Est-ce que c'est quelque chose de défectueux? Donc, à ces tâches, elle doit ajouter aussi la rédaction des rapports d'enquête, un petit peu comme une vraie enquêteuse, les témoignages au tribunal comme une experte, et au psy, elle peut gérer une trentaine de dossiers en même temps. Donc, c'est beaucoup de travail, mais je trouve ça vraiment cool, parce que c'est rare qu'on va voir, justement, des filles comme ça, ici au Québec, faire ces métiers-là. Et je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est un bon exemple pour certaines jeunes filles qui pourraient être présentement soit au secondaire ou au cégep et se demandent en quoi est-ce qu'ils voudraient aller. Mais c'est un petit peu d'y aller au-dessus de ce qu'on pourrait penser où on peut aller. Les attentes. Exactement. Ouais. Et je trouve ça merveilleux. Julien, c'est quoi son nom déjà? Ah, tu viens de me faire perdre. Oh, ben là. Mais non. Attends, j'ai... Anne-Laure Esquirol. D'accord. Voilà. J'avais changé de page. Moi, ouais, c'est ça. Par la suite, on va parler. Là, on est un petit peu moins dans les métiers d'hommes exceptionnels faits par des femmes exceptionnelles. Mais quand même, on va parler de Iska Lawrence. Mathieu, est-ce que tu connais Iska Lawrence? Non, malheureusement. Non. Iska Arabella Lawrence, en fait, c'est une mannequin britannique qui est de taille plus depuis bon nombre d'années maintenant. Par contre, avant, elle ne l'était pas. Ah. Donc, à la suite de plusieurs rejets de certaines agences de mannequins, à la suite de certains moments difficiles du côté santé, justement, pour conserver cette fameuse taille de guêpe, là, à un certain âge, elle a décidé de tout simplement se concentrer sur le plus 16. Mm-hmm. Tout simplement décider à elle, est-ce que c'est genre, donc, à 20 ans, de se dire « OK, j'arrête d'essayer de me faire mourir de faim. Je vais y aller comme je veux. » Puis je vais prendre soin de moi comme je veux prendre soin de moi. C'est pas je vais prendre du poids pour devenir mannequin taille plus parce que le domaine est plus facile à pénétrer. Non. Non, exactement. Okay. C'est vraiment à la suite de certains problèmes, bien évidemment. Elle est, ce que je trouve cool, entre autres, c'est que c'est elle qui est éditeur en chef de Runway Riot, qui est un site web qui est fait justement pour les femmes de toutes, je sais pas comment dire ça, mais de toute shape, toute forme, voilà. Peu importe le size dans lequel vous vous habillez, si vous allez faire un tour sur ce site internet-là, bien, vous allez voir plusieurs outlets. Comment on dit ça, des outlets en français, Mathieu? Des médias, tu parles? Ou tu parles, est-ce que tu parles de outlet comme dans les magasins ou comme dans des magasins d'entrepôt, genre? Ouais, OK, voilà. Merci. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver sur ce site internet-là. Et elle en est l'éditrice en chef. Ce qui fait qu'on ne la voit pas nécessairement juste dans des magazines ou juste dans des publicités. Elle fait aussi un travail qui est demandant, c'est-à-dire... Tu sais, chef éditrice, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, c'est quand même cool de voir ça. Elle a aussi les régies d'une compagnie qui s'appelle Aerie. En fait, c'est une... C'est une des branches de la compagnie American Eagles Outfitters. C'est les sous-vêtements. Donc, elle est une des effigies pour ce qui est des sous-vêtements American Eagle Outfitters. Elle fait partie de plusieurs types de corps différents pour cette fameuse compagnie-là. Et ça l'a fait vraiment un hit aux États-Unis en 2015. C'était un petit peu partout. Les filles ont vraiment voulu souligner le fait que American Eagle Outfitters avait cette fameuse diversité-là que plusieurs autres compagnies ou plusieurs autres... Genre American Apparel, mettons? Ouais, comme Victoria's Secret, n'étaient pas nécessairement justement faits pour toutes les formes de corps. Tandis qu'American Eagle Outfitters, on a vraiment mis l'emphase sur le fait que, ben oui, tu sais, tout le monde va porter des sous-vêtements. Fait que pourquoi est-ce qu'on ferait des sous-vêtements qui sont juste faits pour des filles qui sortent secondaires? Ou, tu sais, on a des femmes de toute on a des femmes de toute grandeur, toute forme. Alors pourquoi pas mettre ça de l'avant? Et ça l'a vraiment fait un immense hit aux États-Unis. Ça va très bien, merci. Elle est aussi ambassadrice de la pas nécessairement la compagnie, mais ce qu'on appelle NEDA aux États-Unis, ça, en fait, c'est le titre anglophone qui est National Eating Disorders Association. Alors, elle est ambassadrice de cette brand-là à la suite de ses problèmes de santé à elle-même et elle fait vraiment un tabac. Si vous allez voir sur, par exemple, son Instagram, elle a plus de 1 million, de personnes qui la suivent, qui lui envoient des messages d'inspiration. Et c'est vraiment ça qu'elle est, en fait, j'ai l'impression. Tu sais, elle a juste 26 ans. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'elle peut, justement, prendre cette fameuse génération-là et l'amener vers une autre façon de penser. Alors, je voulais tout simplement souligner le bon travail qu'elle fait. Elle, voilà. Son nom, c'est quoi? Connais ton sujet, Tania. Non, mais tu me demandes tout en ça à chaque fois que je viens de fermer la page. Non, mais... Alors, c'est Iskra Lawrence. C'est que c'est comment? I-S-K-R-A. I-S-K-R-A. Parfait. J'allais. Voilà. Le prochain, Mathieu, si tu me le redemandes, je te jure que je ne serais pas capable de le dire parce que je vous parle de Arna Ir Jonsdottir. Comment? Oui, exactement. Arna Ir OK, j'y retourne. Arna Ir Jonsdottir. Ça, on peut dire que tu vas les mettre sur Facebook après, c'est ça? Oui, ne vous inquiétez pas. Qui est Arna Ir Jonsdottir? En fait, c'est une jeune Islandaise de 20 ans qui a poussé vraiment un cri du cœur de la dernière semaine à la suite de ce qui s'est passé de son côté pour le concours de beauté Miss Grand International. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. C'est un concours de pageant un petit peu. La jeune fille, elle a déjà gagné plusieurs pageants dans son pays, en Europe aussi. C'est une fille qui est extrêmement jolie si jamais vous allez voir son site internet et aussi Pas de chance pour l'épeler, hein? Sa page Instagram. Fais-nous le début, voir. Oui. Arna, A-R-N-A. Ir, Y-R. Tu l'as? Oui. Son nom Instagram, c'est A-R-N-A-Y-R. Simple de même. Oui, c'est ça. Ouais. Elle a décidé de faire ça simple pour Instagram. Bonne idée. Quelle bonne idée. C'est beaucoup plus facile à trouver. vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière semaine pour cette jeune Islandaise de 20 ans. C'est que le comité d'organisation du concours de beauté Miss Grand International lui aurait justement dit qu'elle était trop grosse et qu'elle aurait des épaules trop larges pour se rendre jusqu'à la finale et pour gagner. Donc, on lui a tout simplement dit que si elle allait manger moins, elle serait beaucoup plus appréciée des juges. OK. Ce qu'elle a fait, parce que plusieurs mannequins peuvent se faire dire ça dans la vie, non, elle, la jeune Islandaise de 20 ans, a tout simplement décidé de se retourner de bord, de dire « Eh bien, je quitte le concours de beauté avant Bravo. Même que ça commence. » Alors, c'est la raison du pourquoi elle a fait beaucoup parler d'elle durant les dernières semaines, c'est que la Miss Islandaise 2015 a décidé de justement claquer la porte aux organisateurs qui lui ont gentiment fait savoir qu'elle était trop grosse, entre parenthèses ici. Ce qui veut dire complètement normal. Oui, c'est ça. Pour les gens moyens. Complètement normal. Même plus que complètement. Tu sais, même même pas grosse, genre. Il y en a des plus 16 qu'on voit dans, mettons, les boutiques additionnelles. Oui, exactement. Je me rappelle son nom, c'est quoi, Victoria quelque chose, Vanessa quelque chose. Oui, Ashley Graham aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Victoria, je sais Ashley pas Graham. Moi non plus. Je la connais pas, Victoria. Ashley Graham est plus 16, on va se dire. Oui. Alors que ton ami avec un nom imprononçable n'est pas plus simple. Mon ami, j'aimerais ça qu'elle soit mon ami. Mm. Mais Mathieu, je vais te lire une partie de la lettre qu'elle a envoyée au comité organisateur et tu vas voir, c'est vraiment génial. Elle a écrit « Votre staff m'a dit que j'étais trop grosse et que j'avais de trop larges épaules. On m'a dit que si je mangeais moins, je serais beaucoup plus appréciée. J'ai donc décidé de partir. Je suis arrivée à ce concours avec toute ma passion et 4 jours avant la finale, vous me dites que je suis trop grosse pour vous. Vous ne me méritez pas. Vous ne méritez pas ni mon corps, ni mon visage, ni ma personnalité, ni mon cœur. Dans mon pays, mon corps est considéré comme parfait. Je suis Miss Islande 2015. » Quand même. Ils m'ont jamais dit ça et c'est tout ce qui compte pour moi. Personne ne pourra me dire le contraire. Boom! Cette jeune fille a fait le tour d'Internet genre 142 fois cette semaine, justement pour cette fameuse, je veux pas dire cruauté, là, parce que c'est pas cruel, ça a été cruel beaucoup plus envers elle que ce qu'elle, elle a écrit, mais pour justement avoir décidé de step up, de dire au comité... Exactement, de dire au comité organisateur, ça a pas de bon sens. En fait, le comité organisateur était pas nécessairement les juges eux-mêmes. C'est les gens qui sont autour des mannequins durant toute la semaine, ceux qui en prennent soin, ceux qui sont comme attitrés à être avec eux à leur, je sais pas moi, à porter de l'eau ou peu importe, qui lui ont dit bien, tu sais, t'as les épaules larges, t'es un petit peu trop grosse, alors peut-être que si tu mangeais moins, les juges à la finale pourraient beaucoup plus t'apprécier. C'est pas nécessairement les juges directement. J'ai hâte de voir si à un certain moment, le comité organisateur, si les juges eux-mêmes vont répondre par rapport à ça. Parce que malheureusement, elle a pas nécessairement eu la chance de pouvoir aller parler aux juges directement avant de partir. Mais c'est les gens, ceux qui représentent ces fameux juges-là qui lui ont dit ce qui a été dit. Et c'est complètement... inacceptable en 2016, même dans un concours de pageant. Je veux dire, à Miss Grand International, on fait pas simplement regarder la beauté des jeunes femmes, faut le savoir. On se base aussi beaucoup sur la personnalité. Qu'est-ce Les que tu fais comme... des fois. Oui, parfois. qu'est-ce que tu fais comme travail communautaire? Dans quoi est-ce que tu étudies? Est-ce que tu as un talent X? Une réponse à une question, genre, qu'ils peuvent pas possiblement savoir, genre... par rapport à la guerre, je sais pas trop. Aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est pas juste cette fameuse beauté-là, justement, parce qu'on veut en faire quelquefois des emblèmes, Miss Grand International. Alors, de ce côté-là, je suis vraiment... je suis comme contente, en fait, qu'elle ait décidé de partir. Et depuis ce temps, bien, elle est suivie à plus de 330 000 personnes sur Instagram. Elle va s'en sortir, d'après moi. D'après moi, oui, parce qu'elle est déjà de retour en Islande. Elle a déjà plusieurs agences qui lui ont fait appel, que ce soit américaine, que ce soit européenne ou encore islandaise. Oui. Ouais, question islandaise. D'être appréciée à sa juste valeur. Ben oui, exactement. Donc, c'est une jeune fille du comité organisateur qui lui aurait dit d'arrêter de manger le matin parce que ça allait faire en sorte qu'elle allait pouvoir maigrir beaucoup plus rapidement. Ça marche pas. C'est-tu pas arrêter de manger le matin. De quoi? C'est terrible. Ouais. Je trouve ça tellement stupide. Hey, vraiment. Rappelle-nous son nom, Tania. Oh mon Dieu, Mathieu, tu m'aides pas. Arna Ir Jonsdottir. Ben oui. Je sais pas si mon islandais est correct. Sûrement pas. Probablement pas. Il y a des accents pas. Sur chaque lettre où il peut y avoir un accent et celles qui ne peuvent pas avoir d'accent. Tu sais, si tu vas sur Google Traduction, ils te donnent un haut-parleur ou qu'ils te disent... Je me demande comment ils le disent, eux autres. Attends un peu, je vais te dire ça. Attends un peu. On va aller chercher ça. Je l'ai ici, attends son nom. Okay. On va prononcer ça sur Google Translate. Ouais. OK. Je sais que c'est long, mais ça s'en vient. Mm-hmm. Ça va valoir la peine, j'espère. C'est ça. Arna YRJO accent aigu NSDO accent aigu TTIR. Attends, redis-moi ça, je trouve ça trop drôle. Elle veut pas Arna le dire. Arna YRJO accent aigu NSDO accent aigu TTIR. Tu vois, je crois que ma version est déjà à la base bien meilleure que celle c'est quoi, de Google. C'est en Islande? C'est ça? Oui. On va rester avec l'islandais. Arna Ir Jonsdottir. Arna Ir Jonsdottir. Arna Ir Jonsdottir. Cette voix-là est particulièrement robotisée. Hein? Oui, je sais. Arna Ir Jonsdottir. Donc, ça serait Arna Ir Jonsdottir. Jonsdottir. Jonsdottir. C'est beau comme langue. C'est merveilleux. Mais Arna, je trouve ça très beau. Oui, tout à fait. La dernière jeune femme que je veux vous présenter, en fait, elle est peut-être... Bah oui, OK, là, pour certains, c'est juste qu'elle n'est pas si jeune, ça va être méchant. Mais c'est une jeune actrice âgée de 35 ans, canadienne. C'est drôle, elle est canadienne, mais si vous allez chercher son nom sur Internet, ça dit qu'elle est américaine. Faux. Foutaise. Totalement faux. J'ai décidé de vous parler de Meghan Markle, ou plutôt connue sous le nom de Rachel Lawsuits. Ah, non. Non, tu connais pas Mathieu? Non. En fait, Rachel Markle, c'est une mannequin, une actrice américaine, mais elle est canadienne, sachez-le. Elle a joué le rôle de l'agent Amy Jessup dans la série Fringe à un certain point. Elle a également joué celui de Rachel Zane dans la série Suits. Suits, ouais. Suits, voilà. Je pense qu'elle joue encore dedans. Oui, probablement. Oui, ouais. Oui, hein. Suits est encore en onde. OK, je me demandais, j'étais plus trop certaine. Mais bon, Meghan Markle a fait sa première apparition sur les écrans en 2002 dans le soap opéra Hospital Center. Elle apparaît également dans différents épisodes de séries américaines comme par exemple Century City, The War at Home. Elle a fait une apparition dans 90210, FBI Porté Disparu. Tu sais, elle en a fait beaucoup. Et Meghan a fait ses débuts dans le show américain Deal or No Deal en 2006. Es-tu sérieuse? Je savais pas ça. Parce que là, je l'ai replacé entre-temps depuis tantôt. Je vois que je la like déjà sur Facebook. Elle était dans Le Banquier US. Américain, oui, exactement. Oh, elle était la porteuse de la valise numéro 24. Aïe, aïe. Oui. Eh ben. C'est quand même, ouais. C'est quand même drôle, mais bon. C'est pas nécessairement son curriculum vitae que je veux vous parler. C'est surtout le fait qu'elle est nouvellement l'ambassadrice de Raitmans, les vêtements, la compagnie de vêtements Raitmans. Et je m'excuse à ma mère, mes tantes et plusieurs personnes qui, au cours des années, j'ai dit « Arc, non, Raitmans, c'est laid, va pas magasiner là ». Ah, ben là, si Meghan Markle y va, hein? Non, c'est parce qu'en fait, tu vois, j'aimais jamais vraiment mettre les pieds à cet endroit. Et jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, hey, d'après moi, ils ont peut-être ce que je cherche. Puis on y est entré, on a vu les nouvelles, justement, les nouvelles collections de Meghan Markle. Mais j'ai réalisé qu'on essaie de redynamiser l'image de Raitmans à la jeunesse. À la jeunesse professionnelle, en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup de Raitmans présentement. Alors, justement, Meghan Markle a été amenée pour redynamiser l'image de Raitmans et ça fonctionne extrêmement bien. Elle est souriante, naturelle, sincère et... Magnifique aussi, disons-le. C'est une très jolie dame et c'est avec une vision vraiment personnelle qu'elle a décidé de s'approprier les vêtements qu'elle porte pour la campagne. Elle dit elle-même qu'elle connaît bien Jake Rosenberg, qui est un des concepteurs du site The Coaster, qui a fait les photos. Et elle dit qu'elle fait ses recherches avant de se présenter sur le plateau. Donc, elle savait déjà quel vêtement elle voulait associer avec quel vêtement. Les pièces, elles sont vraiment... comment je pourrais dire... professionnelle et jeune aussi. C'est la polyvalence des vêtements qu'on veut mettre de l'avant avec cette fameuse campagne-là de Meghan Markle. Et ça fonctionne super bien. Si vous allez faire un tour, soit sur son site Internet, sur son Facebook ou encore son Instagram, sachez-le, c'est une féministe. Elle le sait, elle le dit. Et je pense que ça pourrait justement amener cette fameuse tournure du monde de la mode-là, qu'on puisse mettre de l'avant des ambassadrices qui sont quand même assez féministes, qui ont du pouvoir. Tu sais, comme Emma Watson est quand même maintenant une... je vais pas dire une hérésie, mais c'est une face que l'on reconnaît grâce à la mode, grâce au fashion, mais aussi grâce à tout ce qu'elle fait pour le féminisme. J'ai comme l'impression que Meghan Markle pourrait justement faire la même chose de ce côté-ci en Amérique du Nord. En fait, j'espère que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se produire parce que ce sont souvent ces femmes-là qui ont justement le bassin de fans, le bassin de partisans pour justement arriver à un certain point à faire quelques changements. Et je trouve ça vraiment merveilleux. En fait, je la trouve merveilleuse, toutes les femmes que je vous ai présentées aujourd'hui. Je les trouve très jolies ou pour le travail qu'elles font et le pouvoir qu'elles ont. Elles peuvent avoir les deux. T'as pas besoin d'être juste belle ou juste une bonne représentante. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai décidé de vous les présenter. Voilà. C'était génial. Merci, Tania. Fait plaisir. De très bons tuyaux. Oh. Oui. Je joue pas Daniel le pompier. Daniel le plombier. Depuis qu'il s'appelle. C'est le plombier magique qu'on a joué. Le plombier magique. Ouais, mais c'est de. Oh non, Bruno c'est Blanchet. Bruno Blanchet. Bref, Tania Baudin. On fait Tania et Sgolin Tutania tous les matins à Assemblage Requis. Oui, tout à fait. Au retour de la pause, ça va être Gabriel Béhoud. Un petit peu en retard, donc ça se pourrait que ce soit encore plus tard que ça. On a quelqu'un à 9h, donc on va voir comment on peut. Oh, eh ben non, oh mon dieu! Quel incroyable hasard! Même moment où on dit ça. On prend la pause. Barbriel, on vient. Barbriel arrive. Avec la dans les coulisses de la lutte, reste là. Toujours à Assemblage Requis ce matin. Mathieu, je voulais juste faire une petite correction dans ce que je venais de dire. Okay. J'ai dit que Meghan Markle était canadienne, mais non, c'est faux. Elle est vraiment californienne. Internet avait mais raison. Mais elle a décidé de prendre le Canada en pays d'adoption. Oh. Elle adore le Canada. Oh. Et elle dit souvent elle-même, quand elle vient au Canada, qu'elle est canadienne. C'est pourquoi ça m'a toute mêlée. Voilà. Elle aime le Canada et le Canada l'aime. Le Canada l'adore. Pareil comme Tania Baudin. Tout le monde l'aime. C'est si gentil. Hein? C'est beau. Ouais. Ah, t'es Gabriel Béhoud. Quel moment de transition. C'était bon, hein? Ah, ouais, c'était incroyable. On est naturel comme ça. Donc, Gabriel qui vient nous renseigner sur les images de la production. Oui. Voici dans les coulisses de la lutte. Un icône féministe. Gabriel Béhoud. Oui. oui. Ouais. Ah, ouais. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, très bien. On est content de t'avoir en studio. Ben oui. Pour notre chronique dans les coulisses de la huître. On se voit chaque semaine et d'habitude, on aurait un reportage à diffuser. Oui, mais malheureusement, les périodes d'essai étant ce qu'elles sont sur les logiciels informatiques. Il faut que tu l'achètes. Ouais, et voilà. Que tu mettes là, on ne voit pas, on ne peut pas voir à la radio, mais pour les gens qui écoutent à la télévision, Mathieu fait des mouvements de guillemets avec ses doigts. Exactement. Vous le voyez, vous êtes à la télé. Aujourd'hui, on n'aura pas de reportage, mais on va quand même pouvoir parler du match qui avait lieu avant-hier, lundi. Ben, bien sûr. Entre les Verts et les Rouges. Oui, exactement. Donc, je suis le capitaine des Rouges. Oui. Et puis, je suis très fier de mon équipe puisqu'on a remporté le match qui était officié par... Officier. Par Cathy F. Côté. Voilà. Premier match pour elle. Oui. En tant qu'arbitre pour la huître. Exactement. Ça. Non, elle a un bon background d'improvisation, ça c'est sûr. Donc tu l'as dit, ton équipe a gagné celle des Rouges, mais qui fait partie de l'équipe des Rouges? Oh là là, il y avait Magali Brousseau-Arcan, Karine Perron, et puis Alex Marchand. Absolument. Donc, Karine Perron qui remplaçait Marc-André Fortin, qui n'a pas encore eu la possibilité... De match régulier, non. De participer au match régulier. Exact. Ça fait quoi, on est rendu à la mi-session passée? Oui, on a eu, dans le fond, c'était le deuxième match régulier de l'équipe des Rouges. Ouais. Donc c'était la deuxième absence... de Marc-André Fortin. Mais bon, c'est pas grave, hein? il a participé aux matchs spéciaux. Exactement, donc il a pu se déplacer pour certains matchs à l'huître. On sait qu'il fait partie de la l'huître, on sait que c'est un bon joueur. Maintenant, il reste plus qu'à le voir dans l'équipe des Rouges. Et voilà. Vous étiez contre les Verts. Exactement, qui est capitainé par Marc Lachance, avec Francis Dugré-Lampron, avec, là, j'ai un mini blanc. Jonathan Picard. Oui. Et le substitut Samuel Fortin. Exactement, qui remplaçait Céline Dauzé-Côte cette semaine. Céline qui était dans la salle, mais j'imagine qu'il ne pouvait pas être là au début du match. Non, c'est ça, elle prenait ça quand même très relax. Ouais, déguisé, évidemment. Oui. Parlant de déguisement. On a eu le droit à plusieurs personnes costumées. C'était le fun, ça, parce que les gens, il y avait un concours de costumes où ils pouvaient gagner de la bière. Oui, exactement. Les gens, ça s'est vraiment donné, là. Ah oui, définitivement. On a eu le droit à... Dans le fond, il y a eu un chevalier de la Renaissance. Mm-hmm. Il y a eu un Assassin's Creed. C'est vrai. Un genre de manteau de poêle. Oui. On a un couple de mariés pendus. Lugubre, ouais, ouais, c'était quelque chose. Ouais. Moi, là, Mathieu, je pense que mon préféré, ça a été dans toute la simplicité. C'était quelqu'un qui était costumé en le capitaine de l'équipe des Oranges cette année. Qui est oui. Alexandre Marchand. Avec sa tête de pigeon. Oui. Sa copine était déguisée en lui. Puis moi, je pense que c'est mon costume favori cette année. C'était tout en simplicité, mais c'était tellement réussi. C'était débile mental. Voilà, donc la blonde d'Alex Marchand était en Alex Marchand. Et Alex Marchand était déguisé en bonhomme avec une tête de pigeon. Exactement. C'était génial. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme moment marquant dans cette improvisation-là d'hier? Il y avait une thématique 10 façons de fêter l'Halloween. Oui. C'est ce qui a commencé le match. Exactement. Finalement, ben, c'était pas 10 façons. C'était 8 façons. Donc... On a discuté en mathématiques. Ouais. D'autres thèmes: désenchantement, romance de nuit, transition mm-hmm. extrême, oui. Perturbation, commande express, frayeur et sentiment, doux nettoyage, de connivence. Il y avait une improvisation de nouveau genre. Oui, qu'on n'avait jamais vu encore à la lutte. Moi, en tout cas, depuis que j'y suis. Ou non plus, le baseball. Le baseball. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. C'est l'équivalent de si un joueur claquait un coup de circuit au baseball. Donc, il se rend au premier but, fait une courte improvisation en style un peu fusillade, là, pour les gens qui connaissent un peu ça. C'est simple, c'est une impro de 30 secondes sans thème. Ensuite, il se dirige au deuxième but, où il y a un deuxième joueur de l'équipe adverse. Fait une courte improvisation de 30 secondes. Se dirige au troisième but, fait une courte improvisation de 30 secondes. Se dirige au marbre et fait une courte improvisation de 30 secondes. Exactement. C'est vraiment génial. Donc, c'est un, pour un joueur, là, il a le mérite de claquer un circuit, ça, c'est sûr. Oui. Par contre, c'est tout qu'un défi à relever d'affronter toute l'équipe adverse. Mais c'est le fun parce qu'il n'y en a pas beaucoup des impros comme ça qui te donnent la chance de faire, de mettre le spotlight sur une personne. Tu as des fois le discours épique, des trucs comme ça, des improvisations seules sur la scène où tu dois faire 5 personnages en même temps. Exactement. Mais une fois de temps en temps, ça donne vraiment un bon clou de spectacle. Exactement. Donc, c'est vraiment un genre de gladiateur où les joueurs ne sont pas éliminés. C'est kamikaze presque. Ouais, voilà. Non, c'est ça peut être éreintant, surtout qu'il n'y a pas de thème. Non, pas de thème et pas de temps d'arrêt entre chacune des impros. Après ça, c'est le retour en deuxième partie de l'impro littéraire et Jean-François Veilleux était de retour parmi nous. Jason Bourry. Rien de moins. Mm-hmm. Il nous a fait une petite impro sur une thématique d'un livre qu'il nous a lu. Après ça, on a fait tirer ça à un troisième costume dans la salle. Oui. Donc, les gens qui n'avaient pas gagné. Ça, c'était une fille qui était maquillée avec un maquillage blanc dans son visage, mais un maquillage fait à la main. Donc, elle n'avait pas de costume, mais son maquillage avait un effort. Donc, elle a été récompensée pour son effort. Voilà. Elle avait-tu juste tout le visage blanc? Non, il y avait vraiment des lignes, des formes. Je sais pas trop comment c'était, mais c'était bien fait. On aurait dû prendre des photos, parce que... Ben, moi, on a sûrement pris. Non, pas problème. Le photographe n'était pas là. Non, c'est vrai. Dommage. Il était occupé, il commandait des bonbons. Ouais, c'est ça. Et finalement, on a eu une improvisation sur Casper, le petit fantôme. Oui, qui a fini... qui a commencé tout croche, qui a fini un peu tout croche. Donc, c'était le retour, justement, de la catégorie de TNM, qui avait été mise en place par Elodie, l'ancien arbitre. Le TNM, avant, c'était « Vous comptez une blague », cette année, ça a été « Revisite un film ». Moi, j'aime bien cette catégorie-là, puisque ça laisse l'opportunité aux équipes de mettre en place un thème très, très simple, donc une blague, là, genre « pète puis répète », où un gars veut rentrer dans la police se tasse, rentre dans le mur, mais de faire ça sous forme de « Si c'était une pièce de théâtre » au Théâtre du Nouveau Monde, qui durerait, genre, 4 heures et demie. Super prétentieux, dramatique, exactement. Grandiose. Avec des mises en scène incroyables. Ouais. C'est cool comme idée, ouais. Oui. J'adore ça. Mm-hmm. Côté pénalité, vraiment beaucoup moins de pénalité qu'avec Véronique Gagné ça, et Antoine Lacasse. On a été très, très, très indulgente du côté de l'arbitre. Seulement on 3. On aurait pu avoir de nombreuses confusions, je crois. Le plus majeur qu'il y a eu, c'est un cabotinage à un moment donné dans le match, mais sinon c'était deux retards de jeu, ce qui est pas super grave. Non, c'est ça, c'est pas la fin du monde. Ça marque pas trop. Ça arrive là, puis c'est d'ailleurs une des torts de la lutte là, ça va te travailler énormément là-dessus. Probablement au retour des fêtes, j'imagine. Oui, sûrement. Si là, ce serait le best de travailler là-dessus, c'est d'éviter les retards de jeu, puisque ça ralentit le match et puis ça paraît dans la foule. Les gens décrochent un petit peu. Ouais. Des fois, quand l'improvisation est plus longue, quand on donne un 4 minutes et demi, 5 minutes, on a tendance à vouloir tellement préparer le terrain qu'on s'enfarge dans les longueurs. Et les... Ouais, puis souvent, on tombe dans ce piège-là, même sur des impros un peu plus courtes. Ouais. Donc, c'est ça. C'est le fun quand même d'installer une histoire, mais faut pas y aller trop loin. Non, exactement. À côté étoile du match, l'étoile qui a été donnée du côté des rouges. Mm-hmm. Appartient donc du côté des rouges. De ouais, c'est ça. Donné au vert. De vos verts, ouais. Voilà. C'était François, Francis Dugré. Oui, surnommé François. Marqué Frank DL, faut que j'analyse, faut c'est que je réfléchisse. Sûr. Frankie Boy. Et de l'autre côté, Alex Marchand de l'AGE UQTR. Oui, donc qui a eu l'étoile du match. On est très fiers de voilà. Du côté des verts. Côté étoile de l'arbitre, je pense que l'arbitre elle-même étant recrue a voulu donner une étoile à une recrue. Bien sûr, et c'était un très bon choix puisqu'elle a joué un match vraiment de tonnerre. Et c'était Karine Perron, la substitut de mon équipe. Voilà, la blondinette de l'équipe. Voilà. C'est fun parce qu'il y avait dans votre équipe des rouges, deux filles. Je trouve que c'est équitable. Oui. À côté nombre de personnes dans une équipe, on joue ça à quatre. Ça coûte moins cher aussi. 75 cents pour chaque pièce, hein, c'est ça? Hein, exactement. Donc, vous avez quatre joueurs dans l'équipe parce qu'il y a tout le temps la cinquième personne ne joue pas. Là, exactement. Oh, oui, donc deux. Et du côté des verts, eux, c'est saucisse freestyle. Voilà. Que de la saucisse. Je sais. C'était incroyable. Marc Lachance aime les saucisses. Voilà. On va se le dire. Ben, hein? On le sait. Je trouve qu'elle encourage pas bien la chambre c'est féminine. C'est dit. Donc voilà, ça c'était les étoiles et ça a terminé, comme tu l'as dit tout à l'heure, 8 à 7 pour les rouges. Exactement. Qu'on félicite. On parle de ce qui s'en vient plus tard. Ben oui, hey, Mathieu, le 7, la semaine prochaine, c'est le match bleu contre orange. Ouh! Hey, ça a changé, hein. J'ai annoncé en fin de match que ça allait être vert-rouge encore, mais il y avait eu une erreur au début de la session. Mmh. Et ça a changé depuis le match. Donc, on a rétabli la liste. On a devancé un match qui devait avoir lieu plus tard dans la saison pour le remettre à sa place pour pas que ça fasse vert-rouge deux semaines de suite. On se comprend ça? OK, donc c'est bleu-orange. C'est bien bleu-orange. Okay. Ça a changé là. Parce que là, moi, j'ai le calendrier qui a été mis à jour. C'est à jour. Voilà. Bleu et orange. Et à la fin du match, faut rester à l'écoute parce que une fois de temps en temps dans les sessions, il va y avoir des activités spéciales, des événements. Lip-sync battle, sans Joël Legendre. Non, exactement. Donc, ça sera très, très politiquement correct. C'est ça. On cherche encore les participants de la communauté, du grand public, si vous voulez jouer à ça. Allez sur la page Facebook de la Lutte. Donc, étudiants de l'UQTR, veuillez vous inscrire au Lip-Sync Battle. C'est gratuit et c'est une activité qui est, ma foi, amusante. Donc, on vous invite d'arriver avec un... c'est pas un iPod Battle. C'est pas un iPod Battle. Oh là là. C'est un Lip-Sync Battle, donc j'imagine qu'on va avoir la chanson qu'on va choisir. Le DJ ne sera pas le même qu'un match de la lutte. Apparemment, on cherche animateurs, DJ et participants qui ne sont pas normalement dans ces rôles-là à la lutte pour faire différent pour l'événement. Et on va envoyer une pièce au DJ, et le DJ va faire jouer ça, et la personne va faire du lip-sync sur la chanson, et j'imagine qu'il va y avoir un vote dans la salle. J'imagine. On sait pas trop encore comment ça fonctionne. C'est Xavier McClish qui organise ça. Ben, bonne chance, Xavier. Et puis, c'est une bonne idée, ce concept-là. D'habitude, ça pogne, ce petit truc. Les événements, d'habitude, vu qu'ils sont peu fréquents, d'habitude, fonctionnent très bien. L'année passée, tu m'as dit iPod Battle. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'événements? Il n'y a pas eu, grand-chose. Il y a eu on a eu des matchs spéciaux, de la poudre huître. Où on s'était su le concept de Narcos. Il y avait énormément de poudre et... Ça pourrait être cool, ça, par contre. Mais c'était Poudlard. On a eu la Poké 8 aussi à quelques reprises. Ouais. Et là, ça a déjà été annoncé, on l'a déjà dit dans le précédent. Oui, ça va être incroyable. Ça va être le seigneur de la lutte. Oui, ça va être malade mental. C'est au mois de mars. J'ai très hâte. Soyez-y. Donc, il y a des événements spéciaux, comme je viens juste de le dire, on va essayer d'en faire plus dans la session. Oui. En fait, sont déjà déterminés. Préprogrammés, oui. Préprogrammés, c'est ce qu'on n'a pas encore dit publiquement. Mais ça s'en vient pour essayer de se rapprocher du public, essayer de créer une petite chimie entre les joueurs et les gens qui sont régulièrement dans le public de la lutte. Voilà. Donc, bleu-orange le 7. Ensuite, ça va être bleu-vert. Un match spécial la semaine suivante. Rouge-orange et orange-vert. C'est le mois de novembre à la lutte. Ce sera un très bon mois. Ouais. UQTR.ca/impro. Sinon, la page Facebook, c'est Lutre. Simple de même. Pas Meghan Markle, ça, c'est une autre affaire. Non, ça, c'est une autre personne. Mais je vais rester là-dessus, je pense. Une Canadienne, par contre. Ouais. D'adoption. Bref. D'adoption. Quoi d'autre à dire? Sinon, le Canada, qu'est-ce que t'en penses? Là, moi, là. Hey, le 8 novembre. Là. Ouais, les Américains qui vont déménager ici après que Donald Trump a été élu, ben non. J'ai beaucoup aimé le post de Lucas Hébert ce matin sur Facebook. Raconte. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est l'histoire de douane. Oui. Oui. C'est merveilleux. En fait, Lucas, j'imagine, est en voyage pour les États-Unis. Oui, Lucas qui anime la sortie de secours à votre gauche avec Sébastien Vigartin. Oui. Puis ce matin, il a posté un gentil petit post qui dit que la douanière lui demandait d'où il venait. Il dit Trois-Rivières. Elle dit « Où tu travailles au Canada? » Il dit « Je suis dans le domaine de l'extermination. » Elle dit « Qu'est-ce que tu extermines? » Elle dit « Bien évidemment, des bébites. » Ouais. Attends, je vais faire la douanière. OK, c'est bon. T'es prêt? Oui. Sketch! Action. Oh, and in the winter, dans l'hiver. Et toi, tu y vas en anglais aussi. Oh, je suis douanière aux États-Unis, fait que la protection. Il dit « Je fais un master en philosophie. » Who is your favorite philosopher? C'est difficile à dire ces jours-ci. On travaille plus sur Dworkin. C'est un Américain. C'est ça. So you don't read German philosophers. I remember my college. I can't let you in if you like the Germans. C'est méchant, hein? La douanière a dit qu'elle ne peut pas le laisser entrer au pays s'il aime les Allemands. Les Allemands, voilà. Là, il dit non, j'aime absolument rien de ce qui est allemand. Great. And what are you supposed to do in the US of A? Make it great again? il dit je m'en vais essayer de la bière de microbrasserie. Well. Où? Il dit je m'en vais à Burlington ce soir. By where? I mean, in which bar? À quel bar? Et il dit je me souviens plus du nom. Il dit c'est sur la rue College. You make all the way from Trois-Rivières to Burlington, coming to the U.S. for the first time in your life to a bar you can't remember to drink a beer. Or two. You know that can sound suspicious, right? Il dit oui, mais c'est vrai. Well, I'm kind of... Non, why non, now? Non. Why now? Elle dit pourquoi maintenant? Là, Lucas répond. Il dit ben tu vois, il dit j'ai comme un peu peur qu'ils construisent ce mur entre le Canada et les États-Unis la semaine prochaine après les élections. That's the best answer I've been told in a wheel. You're clear, you can go. C'est juste... God bless America, land of the free. Voilà. Wow. Merci, Gab, d'avoir fait la douanière. Ah, c'est un de mes personnages récurrents à l'impro. Là, vous voulez voir si vous voulez voir ma douanière. La douanière américaine avec un accent britannique. Ouais. Mais c'est ça les États-Unis d'Amérique. C'est le patchwork. C'est le patchwork américain. Tellement. Wow. Merci. Tu peux venir de n'importe où et devenir une grande personne. If you can make it here, you can make it anywhere. Make it great again. Make it great again. Hey. I'm Donald Trump, not approve this message. Voilà. C'est bon, par contre, c'est payant pour la station. C'est fou de promouvoir la candidature de Trump. Trump. Voilà. Merci, Gabriel Béhoud. Hey, c'est avec un grand plaisir. On te retrouve mercredi prochain à 8h30. Mathieu, je vais sûrement vous envoyer la petite chronique. Ah, pour qu'on puisse la jouer à un autre moment de la semaine. Oui, où on parle avec les toits de l'arbitre et deux joueurs. Génial! Le temps qu'on patch ton logiciel. On n'en parle pas plus. Qu'on se le procure, qu'on met ça à la garde. Voilà, qu'on achète à grand prix une licence ce logiciel de Adobe. On te retrouve aussi les lundis soirs à 20h à la Chasse-Galerie pour un autre match de la Lui. Exactement. Tu joueras pas la semaine prochaine. Non. Dommage. Donc, je vous remercie. Bye! Bonne journée à vous. God Bye. Bless America. Land of the... On n'a pas la même place dans le sens. Au retour, on va parler avec quelqu'un pour l'expo-vente des étudiants, l'association des programmes en art, l'APART, qui va présenter ça en ce moment même jusqu'au 11 novembre. Donc, on en parle au retour à Sondage Rookie. Alors, restez là!

tantôt, je l'ai laissé revenir sur l'intro, là. C'était le fun. Ouais, je sais, hein. C'était comme une première en deux ans. Ben, ça faisait vraiment longtemps que j'attendais pour le faire. Je sais pas qu'est-ce que j'attendais. Je sais pas, c'est juste que là, j'ai voulu parler. Fait que je t'ai dit, Mathieu, c'est moi qui reviens. Prends ta place, Tania Baudin, on aime ça de même. Exactement. Avant de parler d'art avec Andréane Cartier dans quelques moments pour l'Expo Vente. Oui, oui. Elle nous fait des saluts. Allô? C'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur le campus. Voici l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Le service d'orientation de l'UQTR invite les étudiants à prendre part aux activités lors de la Semaine québécoise de l'orientation du 6 au 12 novembre prochain. Parmi les activités, la chronique Radio Cifou le 7 novembre à partir de 7h30, le kiosque d'information mercredi 9 novembre dès 10h au corridor du service aux étudiants et la conférence jeudi 10 novembre à 12h30 au local 3603 du pavillon de la chiropratique. Également, un concours est organisé sur la page Facebook du service aux étudiants. Vous courez la chance de gagner 250$. L'UQTR organise sa journée porte ouverte le 5 novembre 2016 entre 11h et 16h. Des kiosques et conférences sont au programme. Il est également possible de visiter le campus, les résidences, le centre de l'activité physique et sportive, les laboratoires et bien plus encore. Du 7 au 11 novembre, c'est la semaine de la santé par l'activité physique organisée par l'Exercice, un médicament, section Trois-Rivières. À chaque jour, entre midi et 13h, une conférence est offerte par une personne experte dans le domaine de la santé. L'activité se déroule le lundi, mercredi et vendredi au local 4839 du pavillon de la santé et mardi et jeudi au local US009 du pavillon de la médecine. L'activité est gratuite, collation et prix de présence sont offerts. Le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille vous invite à la conférence offerte par la doctorante Josiane Leclerc le 14 novembre au local 3023, pavillon Michel Sarrazin de l'UQTR. Madame Leclerc discutera de son projet visant à évaluer le niveau de reconnaissance des actes de délit et à dresser un portrait psychologique des auteurs d'agressions sexuelles. L'activité est gratuite et le repas est offert. Pour vous inscrire, il faut passer par Eventbrite et chercher place à la relève au CEIDEF. La Fondation de l'Ordre des comptables agréés du Québec offre 40 bourses de 100$ au premier cycle universitaire et 5 bourses passeport monde CPA d'une valeur de 2000$. La date limite pour remettre le formulaire de demande est le 11 novembre à 16h. Pour soumettre votre candidature, visitez fondation.cpaquebec.ca et cliquez sur l'onglet « Bourses et prix ». C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Et que ma voix est douce quand je fais ça, c'est beau, là. Voici maintenant l'Info Campus. Ça fait. Donc, l'Info Campus qui est écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, et lu par Tania Baudin. Bonjour. Allô. On aime ça faire des saluts à caméra aujourd'hui. Allô. Allô. Allô. Si seulement on avait... On a une grande fenêtre. Si seulement on avait un public derrière la fenêtre, c'est vrai, ça serait malade. Des fois, on a... Des gradins. Mais là, on la, pas. La petite jardinière qui est là, des fois. La jardinière ou les gens qui travaillent sur le toit. Les gens qui livrent des viennoiseries. Exactement, c'est pour la chasse-galerie. Voilà. Donc, on a une invitée spéciale à ce moment-ci, Tania Baudin. Ah ouais? Andréane Cartier. Bonjour. Bonjour. Allô? Fais-le à la caméra. Allô? Yeah. OK, pour nous parler de l'Expo Vente, de la session d'automne pour les étudiants en art de l'UQTR. Donc, pour commencer, ben, Caroline, cache à ça. Ben en fait, c'est une expo qui regroupe toutes les gens qui sont dans la porte. Tout le monde peut y participer. Il n'y a pas de jury ou quoi que ce soit. C'est appel à tous. Donc, ça permet aux gens, genre les artistes du Benjamin Sulk, qui est souvent le pavillon le moins connu de toute l'université. Le pavillon rejet, tu sais, maintenant. Ouais. Il n'y a pas d'amis. Mais il est à part du reste. Il est un petit peu plus loin. Sauf que maintenant, il est plus, un petit peu plus visible, étant donné la galerie d'art avec ses couleurs. Oui, absolument. Puis, en fait, il y a des projections la nuit, des fois, devant la galerie. Ouais, c'est comme cool, ça. Hein? Ah, je savais pas ça. C'est pas oui, partie de l'expo vente, mais. Oui. Ah, ouais. On diffuse même des films de l'ONF, des fois. Ah, ouais. Hey, crime, c'est le fun, ça. C'est vrai qu'on en parle plus. Ouais. Comment ça, tu savais pas ça? Ouais. parce que c'est le Benjamin Sult. Non, en fait, ça, mais l'Expo Vente, en fait, pour en parler, ça fait juste une belle tribune pour tous les artistes. Parce qu'en fait, à toutes les semaines, on est demandé de faire des projets, de produire des œuvres, tout ça. Puis ça reste chez nous, puis on. C'est le fun de pouvoir diffuser ça à des gens, puis ça accessibilise tout leur travail. Oui, pour juste rester chez vous avec votre, avec vos arts, les montrer aux gens. Exact. Et ça vous permet aussi de les vendre. Oui, oui c'est ça. Exactement. C'est l'Expo Vente. C'est, j'avoue que c'est quand même logique. Donc, c'est des œuvres d'art. Oui, absolument. Okay. Parce que je me demandais, là, c'est comme si c'est pas des muffins que vous vendez. C'est pas des muffins, c'est ça. Et vous échangez ça contre de l'argent, j'imagine, en papier. Exactement. Okay. C'est merveilleux. Des pièces de monnaie, peut-être moins, plus de billets. Mais... Oui, exactement. On n'accepte pas les chèques, on accepte juste... Non. OK. Pas de carte de crédit non plus? Non. Pas des billes? Non. Juste du cash. De la vraie affaire, pas des billes comme dans genre, pas des billes sur les joues, là. Ouais, c'est ça. Pas des billes, on accepte. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Non. Tu sais, comme pas juste aux étudiants? En fait, non, c'est réservé aux étudiants de la part de l'Association des programmes en or. OK. Ça serait à voir s'il y a des gens qui sont intéressés à participer. On n'a jamais eu de demande parce que c'est une organisation qui se fait à l'interne. Mm-hmm. À savoir s'il y a des gens qui sont intéressés... Bonjour, vous êtes où? Mais non, à date, c'est pas restrictif, c'est juste qu'on n'a jamais eu vraiment de demande pour ça. OK. À savoir si on serait intéressé à ça, il faudrait en parler. Mais oui, moi, tu sais, on est le regroupement en art, on étudie en art, mais je pense qu'il y a des artistes aussi qui sont dans d'autres disciplines qui étudient, mettons, en biologie quoi que ce soit. Ça serait intéressant. Des fois, des partenariats comme ça, c'est juste vraiment intéressant pour nous. Là. Cool. Ouais. Puis la vente se fait juste au niveau des étudiants de l'UQTR ou par exemple, je sais pas moi, ma mère qui tripe or pour venir t'acheter ton Mais en fait, on aimerait ça que ta mère en or tripe or vienne. L'idée, c'est de plus en plus, on va essayer de diffuser l'Expo Vente comme là en ce moment, on est assez fous. Justement, pour essayer de voir un peu plus ce truc-là. C'est sûr que là, en ce moment, on se diffuse dans l'université, donc c'est les usagers de l'université qui nous voient. Ah, ça va plus loin que ça. Là. Ah oui, mais on se met quand même dans le pavillon à l'entrée, donc tu sais, il y a pas mal de monde qui vont rentrer... de différents programmes ou quoi que ce soit qui vont avoir accès à ça, mais le but, c'est que ça soit vraiment diffusé à large parce que c'est une tribune, en fait, pour nous. Oui, c'est une expo-vente qui nous permet de commencer. En fait, la part va prendre un certain pourcentage des œuvres vendues. Ça nous permet de faire organiser des activités, faire des choses intéressantes, tu sais, faire vivre notre pavillon, en fait. Donc, nous, on veut vraiment que ça soit... vu par tous. Et, on va faire des grands efforts pour diffuser cette information-là. Puis les projets sont intéressants, sont originaux. C'est tout des trucs qui ont été créés, genre cette année ou les années précédentes. C'est tout comme actuel. La personne peut t'en parler de pourquoi elle a fait ça. C'est pas des trucs ringards qui traînent depuis longtemps. Ça a été fait, c'est encore vivant. C'est intéressant. Et l'argent, j'imagine, vous permet aussi de faire la prochaine expo vente parce que ça a lieu deux fois par année. Exactement. L'automne et l'hiver. Oui. Pas l'été. Non. Non, parce qu'il n'y a pas personne dans ce pavillon-là l'été. Non, c'est ça. Puis j'imagine qu'il y a des affaires que vous faites avec de l'argile pour effondre l'été aussi. Oui, ben oui. Quel genre d'art que vous vendez? Est-ce que c'est tout des tableaux? Est-ce que c'est des sculptures? En fait, surtout qu'on est en art actuel, c'est discipline vaste. Donc, on va avoir des impressions. Numérique, autant des sculptures de verre, on va avoir la sérigraphie, de la gravure, on va avoir du dessin, on va avoir photographie, des retouches photographiques, toutes. Du Photoshop? Photoshop. Nous, dans notre langage, on appelle ça des estampes numériques. Ah, c'est ça que ça veut dire, estampes numériques? Parce qu'on voit tout le temps, tu sais, le festival d'estampes ou je sais pas quoi, le à Trois-Rivières, c'est vrai, puis je me suis toujours demandé, il me semble que c'est quoi, c'est genre, c'est comme quand tu... C'est un peu d'enveloppe. Mais en fait, il y a plein de processus philosophiques qui essaient de débattre sur justement l'estampe, autant l'estampe comme tu viens de faire avec ta main. Oui, sur une enveloppe, c'est pour les gens à la caméra. Ben oui, exactement. Ouais, caméra, bonjour. Allô? Mais il y a aussi, c'est ça, il y a un débat qui se passe sur genre, les estampes numériques ont le même statut si on veut qu'une estampe va être faite par la sérigraphie ou la gravure. Ou, en ce moment, c'est dans notre cohorte des débats. Mais c'est ça, l'estampe numérique, c'est super pertinent parce que ça va rejouer différents médiums dans le sens où la personne va prendre des captures photographiques, va aller faire des retouches, peut même faire scanner ses choses, ses impressions pour après ça faire trouver des différents résultats. Ça, c'est vraiment de l'expérimentation qui souvent qui découle, genre, c'est vraiment impressionnant. Toujours satisfait de voir une estampe. Cool! Faut aller voir ça. Ben oui! Faut aller voir ça. Vous êtes combien à exposer? Plusieurs. Oui, oh ouais, OK, c'est nombreux, bon. Nombreux, vraiment beaucoup. Gens. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, absolument. En fait, on n'a pas tout le temps toute la place pour tout le monde. C'est premier arrivé, premier servi. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de jury. C'est juste, en fait, premier arrivé, premier servi. Cool. C'est ça. Ça se passe dans le hall Gilles Boulet, donc il y a quand même pas mal d'espace, mais... Oui. Faut laisser les gens circuler aussi entre les tables. Oui, absolument. Ouais. En fait, il faut laisser l'œuvre respirer pour qu'il y ait une belle rencontre frontale avec la chose. Exactement. Pas de mur. Ça, c'est jusqu'au 11 novembre. novembre. Exactement. Ça se passe du matin au soir. Les plages horaires sont quand même assez larges, de 8h30 à 20h30, je t'aide. Hein? 8h30 à 20h30. Du lundi au jeudi. 12 heures de suite, mais j'imagine qu'un relais à quelque part. Oui, absolument. Là-dedans. Mais en fait, il y a de la surveillance. Donc, c'est sûr que les artistes qui sont là, toutes les gens qui font la surveillance sont des artistes qui exposent. Donc, peut-être qu'ils ne vont peut-être pas à l'aise de parler de tout ce qui est là, sauf qu'ils peuvent vous parler absolument de ce qu'ils ont produit. Des fois, il y a des gens qui connaissent un peu plus les médiums de tout le monde, fait qu'ils peuvent vraiment genre faire une médiation avec vous puis se promener dans votre dans le parcours pour faire regarde ça c'est. Mais c'est sûr qu'ils peuvent répondre sur la nature de la chose. Ouais. Dans le sens est-ce que c'est une estampe, c'est une est-ce qu'on ouais, a tout. Ils savent, là, ils ont étudié en art quand même. Ouais. C'est juste peut-être par rapport aux propos que les gens peuvent pas. L'interprétation. Oui, exactement. Mais ça reste à vous parce qu'une rencontre frontale, c'est quand même quelque chose qui s'échange. Si vous voyez ça, mais vous le voyez puis c'est peut-être pas l'idée de l'artiste, mais tant que vous appréciez, vous avez un moment. Magnifique, c'est d'émotion. Ce qu'on veut. Ouais, tu sais. Ah, c'est triple. J'imagine aussi on peut prendre contact avec la personne qui a fait l'œuvre ou demander le contact, des trucs comme absolument, ça. Absolument. En fait, c'est sûr qu'on va. Mais pas demander, mais qu'il y ait échange, tu sais, que la personne puisse avoir son numéro de téléphone ou quoi que ce soit pour. Des fois, mais, par exemple, les œuvres peuvent briser ou quoi que ce soit, tu dois avoir toujours comme un lien avec la personne. Si tu le brises, tu l'achètes, hein, comme on dit. Non, mais dans le sens, tu sais, si chez vous, il y a quelque chose qui se détériore ou quoi que ce soit, je pense que c'est important d'avoir un pont. Puis en même temps, c'est tous des artistes qui sont en effervescence, qui sont en train de se développer. Fait juste de pouvoir les suivre, de voir, hey, j'ai acheté ça il y a 10 ans de cette personne-là. Puis, oh mon Dieu, elle m'invite à son vernissage au musée d'art contemporain. Ok, j'exagère. C'est quand même cool. Il y a des gens, des gens du Benjamin Sul qui vont devenir célèbres parce que, ben. C'est vrai. C'est le Benjamin Sul. Tu sais, l'UQTR, comment, là? UQTR. Exactement. Il faut bien commencer quelque part. À Montréal. Est-ce que c'est garanti comme le Tupperware? J'imagine vos œuvres d'art, s'il y a quelque chose qui brise, tu reviens puis ils vont la refaire. Je pense pas. Non, zut. On peut inspirer, genre, le processus de réparation, par contre. Là. C'est ça. On va réparer le cadre. Les prix des œuvres, ça joue entre quoi et quoi, mettons, tu sais-tu? C'est libre à l'artiste. C'est sûr que des gros montants vont pas favoriser une grosse vente. Mm-hmm. Mais c'est vraiment libre à l'artiste. Fait que je pourrais dire n'importe quoi. Comme je pense qu'on a des petites œuvres qui peuvent varier d'une vingtaine de dollars, trentaine de dollars à une centaine, voire 300, 500 dollars. Mais ça reste vraiment à l'artiste de décider comment qu'il se paye, les matériaux qu'il a utilisés. C'est vraiment l'effort qui a été fait, le temps que ça a pris. La tarification, c'est vraiment de un par un, genre les personnes prennent. Cool. Donc, on a dit que c'est du 1er au 11 novembre, donc ça a commencé hier, mais c'est de 8h30 à 20h30, du lundi au jeudi, donc n'hésitez pas le vendredi ou la fin de semaine. Non. Pas bien barré pareil la fin de semaine. Oui. Je pense. Non? Peut-être pas. Ça va juste être triste. Ça va juste être triste, c'est ça, parce qu'il n'y aura personne. Les tables sont vidées la lundi. Nuit. C'est ça. J'imagine qu'on enlève tout puis on recommence chaque matin en replaçant les choses. Exactement. Voilà. Donc, c'est au hall du pavillon Gilles Boulet de l'UQTR. Gilles Boulet, c'est celui où il y a les guichets, hein? C'est ça? Les quoi? C'est les guichets, ça, Gilles Boulet? Non, c'est la c'est Tim Hortons? Oui, exact! Tim Hortons, c'était pas là. Lui, il va avec les guichets. Oui, mais Desjardins. Mais il y a le centre multiservice. Oui. C'est ça, c'est MJ Mingini. Le centre vitré. Oui, c'est ça. Ils répondent à tes questions. Exactement. Nouvellement vitré depuis quelques années avant. Juste entre ça puis le Tim Hortons, il y a nous. Il y a vous. Ah, c'est merveilleux. Avec des paravents. Oui, on appelle ça des simaises. Comment? Des simaises. Des comment? Des simaises. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Des simaises? Oui, en fait, souvent dans les lieux d'exposition, on va restructurer la salle, on va ajouter des murs, défaire des murs, changer la forme de la salle. On appelle ça des simaises. We're gonna build a simaise. And Mexico will pay for it. Ah oui, c'est ça, exact. Bon. Donc, pavillon Albert Tessier, Hall Gilles Boulet. De l'UQTR, 1er au 11 novembre, lundi au jeudi de 8h30 à 20h30, c'est l'expo-vente pour l'APAR, qui est l'association des programmes en art, que j'ai nouvellement appris que c'est APAR et pas APART. Oui, ben j'avoue moi que aussi, le mot marche mieux. En passant, une très belle décoration dans la chasse-galerie. Hey, avec les toiles sont vraiment cool, c'est vraiment fun, les deux cadres avec des personnes genre épeurantes. Proche oui, des cool. Sucres puis du. T'es plus sûr de mettre de la crème. En fait, pour ceux qui comprennent pas, on vous explique. Votre département a fait la décoration Halloween de la chasse-galerie. Oui. C'est merveilleux, c'est malade, on adore l'Halloween. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas compris, chasse-galerie, c'est le bar de UQTA, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la ville c'est de ça, l'histoire et de la culture. C'est ça. Renseignez-vous donc. Les gens vont être maquillés ce soir en plus par un artiste. Oh, à la chasse-galerie. Oui, mais en fait, les serveuses. Oui. Va être maquillée. Mais est-ce qu'il va être maquillé par Laurie Hamel? Donc, qui va c'est maquiller? Comme la semaine de l'Halloween à Chasse-Galerie oui, cette semaine. Oui, ben c'est le bal des Maccabées ou je sais pas quoi. Ah, c'est ça, exactement, c'est ce soir. Le bal macabre? Oui. Maccabée, le bal des journalistes sportifs. Ils ont fait l'annonce, ils ont écrit ensemble, mais ils s'en souviennent pas. Il va y avoir des beaux maquillages, en tout cas. Ça va être le fun. Yeah! Yeah! Allez faire un tour à Chasse-Galerie. Ce soir. Pour voir les merveilleux 2 novembre. Yeah, 2 novembre. Merci beaucoup, Andréanne. De rien. C'était super cool. Tu repasses quand tu veux. Puis, c'était pas spé. Ouais, elle avait un petit peu peur. Ça, elle était un petit peu stressée. Le café a fait effet. Puis là, c'est, le matin, c'est difficile, mais c'est évident. Mais c'est parler le matin, tu sais. C'est difficile, hein? J'aime mieux flatter mon chat. Ouais, nous aussi. Si on pouvait amener mon chat dans le studio. Non. Non? Je vais mourir. Oui. Oh, les allergies. Oui, exactement. Les gens allergiques. S'il fait que j'ai un chat aux pommes. Allergique aux pommes. Un chat aux pommes. Un chat aux pommes. Quel genre de à la place d'un chausson aux pommes, c'est un chat aux pommes. Oh, on s'en va vraiment vers ça. Wow. Ouais, c'est. Merci, Andréane. On va te laisser. Merci beaucoup. Te remettre de ça pendant quelques heures. On va aller te voir à l'exposition jusqu'au 11. OK. On va regarder vers les arts. Après ça, quand on va partir, on va regarder derrière nous, comme dans la chanson Looking Back de Ada Léa. Tout de suite, à Assemblage Requis. Hein, les liens. Chat aux pommes. Malade. Chat aux pommes. C'est comme un chausson. Comment? C'est super drôle quand tu y penses. Ouais. Ce serait un beau petit dessin, genre bande dessinée sur Facebook. Ronron. C'est ça. Ronron, Mathieu, ronron. Adalea, la pièce. Looking back. Looking back. Toujours à l'assemblage requis maintenant. Il nous reste à peine 10 minutes, donc juste assez de temps pour faire une minuscule chronique de fin d'émission. Oui. Voici son foutu palmarès. Foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette semaine, c'est assez précis. C'est la démocratie, les élections, parce que c'est pas partout pareil, les mécanismes d'élection. Alors, on va apprendre donc des choses sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais aussi au-delà de notre monde, dans l'espace. Pour commencer, à la plupart des endroits, les élections sont tenues le dimanche. Donc, aux États-Unis, on est habitué d'avoir des élections le mardi. On en parlait hier. C'était par rapport aux fermiers qui devaient quitter leur village le lundi, aller voter mardi et revenir pour les marchés de fruits et légumes le mercredi. On a parlé de ça dans cet fait hier. Donc, les voteurs aux États-Unis votent le mardi, mais le reste du monde préfère voter le dimanche. Les pays où l'anglais est la langue principale ont tendance à être l'exception à la règle. Par exemple, au Canada, on vote le lundi. Oh. Alors que les Britanniques votent le jeudi. Les Australiens et les gens de la Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais, votent le samedi. Spécial quand même de gaspiller ton samedi. Hein. Ben ouais, pas gaspiller. Voter. Non, c'est pas gaspillage. C'est pas du gaspillage, Mathieu, parce que si tu votes, tu peux chialer. C'est pas vraiment la raison pour laquelle on devrait voter, je trouve, mais oui, c'est ça. Non, je sais. Ouais. Les Américains ne sont pas limités au mardi selon la loi. C'est en fait une règle qui date, comme je disais, du 19e siècle par rapport aux fermiers, mais c'est pas légalement obligatoire d'être le mardi. Ensuite, l'Inde est tellement grande que l'élection peut prendre des semaines. Hein? L'Inde contient environ 800 millions de voteurs éligibles, ce qui fait que c'est la plus grande démocratie au monde. Pour pouvoir accommoder un électorat de cette grandeur-là, le gouvernement fait ses élections sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois. La dernière élection générale en 2014, les Indiens ont voté pour les 543 membres du Parlement. Ça a eu lieu pendant 9 journées séparées sur 5 semaines. Oh my God! Ouch! Les voteurs suédois et français sont automatiquement enregistrés pour voter. Excellente idée. Donc, les gens en France et en Suède n'ont pas besoin de penser à s'enregistrer à l'avance c'est pour les élections. Gens. Vraiment. Donc, le gouvernement enregistre automatiquement les voteurs lorsqu'ils sont éligibles. En France, c'est aussitôt que les gens ont 18 ans. La Suède se fie sur les registres de taxes d'impôts, donc pour créer la liste des citoyens éligibles. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Clairement, mais ça changera peut-être pas avec Donald Trudeau. Le vote est obligatoire en Australie. Chaque Australien de plus de 18 ans doit, selon la loi, s'enregistrer pour voter et participer aux élections fédérales. N'importe qui ne se présente pas le jour des élections reçoit une amende de 20 $ australiens. Donc, si on ne paie pas, ça pourrait amener encore plus à d'autres peines, d'autres pénalités. On peut monter jusqu'à 180 $ australiens. On peut être accusé d'un crime si on le fait. Donc, 180 $ en dollars canadiens, ça donne 185 $ environ. Ah, pas spécifique. C'est pas une grande différence entre le dollar australien et le nôtre. Les enfants qui sont aussi jeunes que 16 ans peuvent voter au Brésil. Depuis 1988, les citoyens brésiliens ont le droit de vote depuis l'âge de 16 ans. Voter est requis par presque tout le monde entre les âges de 18 et de 69 ans. Et n'importe qui ne vote pas est assujetti à une peine financière, donc à une amende. Mm-hmm. Les gens de 16 ans et de 17 ans sont aussi éligibles à voter en Autriche, au Nicaragua, en Argentine. Les gens de 17 ans peuvent voter en Indonésie et au Soudan. Les États sélectionnés de l'Allemagne ont droit de vote à 16 ans aussi dans les élections locales. Et en 2014, pour la première fois, les Écossais entre 16 et 17 ans avaient le droit de voter pour le référendum. Les études sur les élections où les enfants, les gens de 16 et 17 ans peuvent participer montrent que donner aux jeunes la possibilité de voter pourrait donner des citoyens plus engagés dans le futur quand ils vieillissent. Et encore plus, les adolescents qui décident de participer aux élections souvent sont mieux informés par rapport aux candidats et à leurs grands sujets. Les grands programmes par rapport aux autres. En Estonie maintenant, on peut voter en ligne. Depuis 2005, on a le droit de voter, donc à la place d'attendre en ligne à une station locale. Voter en personne est plus populaire. Par contre, en 2015, plus de 30% des voteurs de l'Estonie ont profité de ce système de vote en ligne. Le système fonctionne parce que chaque citoyen reçoit une carte d'identité scannable et un numéro d'identification personnelle, un NIP, donc qu'on utilise pour remplir notre responsabilité, que ce soit pour payer ses impôts ou payer même pour les frais de bibliothèque, c'est la même carte d'identité. Et c'est utilisé pour confirmer l'identité lors de l'élection et le vote lui-même est encrypté. Donc ça le rend anonyme. Le vote sur Internet est complètement anonyme. Ensuite, le pourcentage de vote aux États-Unis est très très faible comparé à d'autres pays en développement ou de pays développés, pardon. Donc selon un rapport qu'on a fait en 2016 sur le nombre de gens qui ont voté dans les pays développés, seulement 53,6% des Américains ont performé leur devoir de citoyen lors des élections de 2012, ce qui place les États-Unis en 31e place sur 35 pays développés. Pour contraster un petit peu, la Belgique a vu le plus haut taux de pourcentage de voteurs éligibles qui ont voté pour les élections en 2014. On parle de 87,2% des citoyens belges qui ont voté. C'est triste quand même, la moitié des gens, 53,6, c'est pas beaucoup. Ensuite, au Chili, les hommes et les femmes votaient séparément jusqu'en 2012. On vient dans les années 1930, les femmes ont eu le droit de vote pour la première fois aux élections locales du Chili. Les hommes et les femmes allaient voter donc à des endroits séparés. Cette année-là, le registre a été créé pour accommoder les nouvelles voteuses, les femmes qui pouvaient voter dorénavant, qui avaient toujours pas le droit de voter lors des élections nationales. Elles pouvaient seulement voter pour les élections locales. Cette coutume de séparer les hommes et les femmes lors des élections a persisté même après. Tu sais, des fois, c'est difficile de changer les règles. Il y a des restants de ça, comme le tantôt, je disais, le mardi pour voter aux États-Unis. Ça vient du 19e siècle, je veux dire. C'est long à changer. Donc, la coutume a persisté. Même lorsqu'on a accepté le vote aux élections nationales et qu'on a combiné les deux registres en 1949, 63 ans plus tard, le gouvernement a décidé que le vote ne devrait plus avoir de ségrégation par genre. Par contre, les votes séparés sont toujours pratiqués encore à certains endroits au Chili. Ensuite, la Corée du Nord a aussi ses élections, mais c'est loin d'être démocratique. 99,7% de l'électorat a participé aux élections. 99,7% en 2015 aux élections locales. Mais les citoyens n'ont pas vraiment le choix par rapport à la personne qu'ils veulent endosser. Tout le monde sur le bulletin a été sélectionné à l'avance par le parti de la Corée du Nord, le parti qui est maître de tout. Pour voter, les Coréens du Nord devaient simplement lâcher une impression, donc un papier avec le nom dans une boîte pour indiquer leur soutien. Une boîte séparée était présente aux endroits de vote qu'on pouvait utiliser pour enregistrer un rejet du candidat sélectionné. Par contre, tous les candidats choisis ont reçu 100% du vote, ce qui veut dire que soit personne n'a opté pour le rejet ou encore que s'ils l'ont fait, leurs votes n'ont pas été comptés. Elle est là pour les apparences, mais on ne compte pas nécessairement les votes contre qu'il y a dans la boîte. En effet. Ouais. La reine d'Angleterre est éligible pour voter. Il n'y a pas de loi au Royaume-Uni qui empêche la reine Elisabeth II de participer à des élections, mais pour avoir l'air la plus objective possible, généralement, elle ne participe pas. Avant le référendum du mois de juin en Grande-Bretagne, par rapport à sa situation en tant que membre de l'Union européenne, le porte-parole de Buckingham Palace a dit au reporter, aux journalistes que, et je cite, « C'est très clairement la convention ici que la reine est au-dessus de la politique. C'est une convention que la famille royale ne vote pas dans les élections générales, et c'est vraiment une extension de cette convention. » Fin de la citation. Donc, elle n'a pas voté pour le référendum sur l'Union européenne. Les gouvernements peuvent être assez créatifs où les gens ne savent pas lire. Donc, je me rappelle, c'est celui-là. En Gambie, j'imagine. En Gambie, voilà. Donc, en Gambie, les citoyens votent en faisant tomber une bille un container, une poubelle, ouais, si on veut, de métal, qui est codé avec une couleur, avec une photo du candidat sur le baril, si on veut. Donc, chaque baril a une clochette et la bille, lorsqu'on met la bille dans le grand truc, ça va faire ding. Et si la cloche sonne plus qu'une fois, c'est que quelqu'un a brisé la règle, a enfreint la règle. Oh, ouais. On drop une bille dans un baril de métal. C'est dommage, drôle. Les commentateurs politiques en Nouvelle-Zélande gardent le silence le jour des élections. C'est parce que les médias et même les réseaux sociaux ne peuvent pas influencer le résultat. C'est illégal avant 19h le jour des élections. Selon un article, les commentateurs à la télé ne peuvent pas mentionner quelque chose aussi mondain que l'habillement d'un candidat. Et encore pardon, encore moins qui pourraient gagner. Donc les partis politiques se font dire par les autorités de dépublier leurs pages sur les réseaux sociaux. Donc en Nouvelle-Zélande, mettons une chaîne de télé qui a une page Facebook, sa page pourrait être retirée de Facebook jusqu'à 19h, et à 19h la page Facebook revient. Hein? Donc quelqu'un qui viole cette restriction sur la journée des élections pourrait faire face à une amende de 20 000 $ néo-zélandais, ce qui j'imagine est pareil comme les dollars australiens, ce qui probablement pareil, ouais, comme le dollar canadien, comme on a dit tantôt. Ensuite, il nous en reste 3, on va faire ça assez rapide. Les astronautes peuvent voter. Les astronautes dans la Station spatiale internationale sont capables de voter depuis 1997. C'est une loi au Texas qui a passé qui permet donc des bulletins sécuritaires qui sont envoyés dans l'espace par le Mission Control de Houston au Texas. Une fois que les astronautes ont fait leur sélection, leur bulletin, donc PDF de leur bulletin de papier, donc ils ont qui est renvoyé sur la Terre. Voilà. C'est ça, oui, c'est le même bulletin de vote que s'il avait reçu par la poste. Donc, okay. C'est un PDF de ce document-là qu'ils auraient reçu par la poste. Le vote par... le absentee ballot, le vote par anticipation, qu'on appelle. Bref, c'est ça. Et puis, c'est encodé par courriel. Ouais, c'est ça. Des gens qui travaillent pour les élections vont ouvrir le document en PDF et vont soumettre la copie papier pour être compté plus tard. Donc, le PDF de l'espace est imprimé et on utilise ça pour le vote. Le Liechtenstein, les voteurs du Liechtenstein participent aux élections aussi dans un petit pays européen, population de 37 000. Les citoyens vont voter pour des politiciens, des référendums, et si on doit accepter la citoyenneté à ceux qui ont appliqué après avoir résidé dans la population pendant 10 ans ou plus. Donc c'est les voteurs qui décident si un citoyen qui vit depuis plus de 10 ans dans leur pays peut devenir un citoyen. C'est les citoyens qui votent parmi eux pour ça. Et finalement, une élection en Équateur a très mal commencé. La personne qui a gagné l'élection pour maire en 1967 en Équateur, donc c'est une marque de poudre pour les pieds qui a gagné. Hein? Et non pas une personne. Donc, dans les jours menant à l'élection, la compagnie avait des élections, des publicités style élection. Tu sais, des fois, tu vois ça dans les médias, des publicités qui sont à thématique d'élection, suggérant que les consommateurs pouvaient voter pour la poudre pour les pieds s'ils voulaient améliorer leur bien-être et leur hygiène. Mais et non. La poudre pour les pieds a gagné grâce au grand volume de votes. Tu sais, des fois, tu peux voter en écrivant le nom d'une personne, un write-in candidate qu'on appelle. Donc, ils ont voté pour la poudre pour les pieds. C'est en Équateur. C'est très drôle. Ouais. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. On est rentré presque juste dans nos temps. Les livres sont sur assemblagerequis.com. Et ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci Tania aussi. Merci à toi, Mathieu. Merci à Sébastien F. Gartin qui a fait sa chronique Bulletin Gartin. Merci à Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luitre. Merci à Andréane Cartier pour l'expo-vente de La Part. On rappelle que ça a lieu du 1er au 11 novembre, du lundi au jeudi, entre 8h30 et 20h30, au pavillon Albert-Tessier dans le hall Gilles Boulet. Oui, exactement, à côté du Tim Hortons. Pas le chandail de Jerry Boulet. Non, non, non. Le hall Gilles Boulet. Parce que là, la petite oreille de Safia a fait « Ouais, c'est pas la même chose. Hein? Sache-le. Sache-le. Demain sur nos ondes à Assemblage Requis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va être jeudi, donc à 8h, la chronique de l'âge d'Hupiter avec Alex Marchand. Et comme on est jeudi, ça va être une grosse pointe d'adresse. Oh, okay, oui. C'est l'émission de demain entre 6h30 et 9h30. Plus tard sur nos ondes, aujourd'hui, en ce mercredi à 10h, Compte à rebours, l'émission de compte traditionnelle. Ensuite, à midi, c'est quoi d'être ensemble? À 13h, la nouvelle émission répond avec une chanson. À 14h, on va aller en rediffusion avec en piste avec Tania Baudin aujourd'hui parce que Tania ne sera pas là. Non, exactement. À 15h, je vais de retour pour le Mathieu Plante Show. À 17h, Automatique. À 19h, Lobe Trotter avec David Ferron et 20h, Radio Sonic. On se quitte là-dessus. À demain. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Pas de bon café. Bon café. Ouais.